Donc bonsoir à tous et bienvenue dans la partie 2 de notre épisode sur la rétrospective 2020. Continue donc ce grand crossover qu'on a commencé, un peu où on essaie de croiser les univers de l'émission avec des personnes qui viennent du passé et du futur. Donc on est accompagné cette fois de Fanny qui vient du futur. Parce que c'est la première fois qu'elle participe à l'émission et on espère pas la dernière. Donc Fanny qui est une illustre représentante du ministère de Jean-Michel Blanquer. Eh oui. Voilà. Donc bonjour Fanny. Bonsoir. Merci pour cette présentation. C'est vraiment la caractéristique que je préfère. Je sais, c'est ton ministre préféré. Tu pourras nous en parler si tu veux. Avec grand plaisir. Et du coup, on est avec Chloé qui, elle, vient du passé, puisqu'elle était là dans l'émission précédente. Bonjour Chloé. Bonsoir, effectivement, je viens du passé, j'ai découvert mon premier cheveu blanc ce matin. D'accord. Okay. Et du coup, je suis toujours avec Jonathan qui m'accompagne, ou que j'accompagne, on sait plus trop. Voilà. Salut, salut. Et merci d'être là, j'ai envie de dire. Alors, on va repartir sur ce fabuleux sujet qu'est l'année 2020. Votre année 2020, en quelques mots, Chloé, tu avais déjà répondu dans l'épisode précédent. Fanny? Ah mais moi j'ai pas préparé ça. J'ai pas fait les devoirs. Bah non. Là, tu me poses une colle là, l'année 2020. Difficile à résumer. Difficile à résumer. Ça peut être difficile à résumer, tes quelques mots. Bah ouais. Comment on pourrait dire, en montagne russe un peu cette année pour moi, de manière générale. D'accord. D'un point de vue professionnel, ça s'est passé comment? Parce que c'est vrai que, bon, comme je le disais tout à l'heure, subtilement, donc tu es prof dans un lycée. Et c'est vrai que, bon, on peut dire que ça fait partie des métiers qui ont un peu pris tarif cette année. Un peu, ouais, bah on a découvert à quel point les profs étaient des buses en informatique, surtout, je crois. Voilà. Mais ouais, non, c'est sûr, ça a été un peu particulier comme année, mais. Ouais, au final, enfin, pour le coup, enfin, s'il faut revenir sur la période du premier confinement, moi je l'ai assez bien vécu. Enfin, en même temps, c'était un confinement plutôt cool, c'était au printemps et tout. C'était le premier, donc on avait l'impression que c'était un peu un truc exceptionnel. Et du coup, c'était chouette. Et puis non, au niveau de l'approche, finalement, moi j'ai trouvé ça rigolo. Enfin, vis-à-vis des gamins, il y en a pas mal qui se sont finalement révélés un peu. Enfin, ça m'a permis de réaliser qu'il y avait quand même certains gamins qui n'étaient pas franchement à l'aise dans une structure, enfin dans une structure de classe classique entre guillemets, voilà, et qui se révélaient un peu en virtuel en fait, des jeunes qui s'exprimaient, des gamins dont j'avais jamais entendu la voix au lycée et qui en virtuel vraiment prenaient confiance et tout, et ça c'était assez rigolo. Ça a créé un truc un peu informel qui était assez chouette finalement. Ok, et c'est vrai que je t'ai posé cette question, mais je t'ai même pas demandé, donc peut-être que tu peux nous expliquer ce que tu fais un peu plus précisément. Ça va vraiment intéresser des gens, ça? Bah, premièrement, Chloé qui pose la question. Mais... D'accord. Eh ben du coup, ouais, donc moi je suis prof d'art appliqué en lycée professionnel. Autant dire que ça, en général, ça, enfin, ça, comment dire, c'est pas comme si j'étais prof de français ou de maths, quoi. Je veux dire, en général, les gens visualisent pas bien ce que je fais concrètement, parce que les arts appliqués, à moins d'être allé en lycée pro, on n'en fait pas à l'école. Donc c'est tous les, en fait, c'est les arts appliqués, c'est de manière générale tout ce qui a trait au design. Donc c'est l'architecture, le design d'objets, le graphisme, etc. Et donc en lycée pro en France aujourd'hui, les jeunes ont 1 heure d'art appliqué par semaine. C'est un peu l'équivalent de l'art plastique au collège en fait. C'est une sorte d'initiation. Voilà, pour ces jeunes-là, donc que ce soit du CAP ou du bac pro. Et donc voilà, moi du coup, je visualise ça un peu comme ça, quoi, comme une heure un peu d'ouverture culturelle et de réflexion sur des choses auxquelles ces jeunes-là sont pas forcément sensibilisés. Enfin, quand t'as des bac pro électriciens ou des bac pro secrétariat, parfois ils ont pas du tout de culture artistique ou, enfin voilà. Donc c'est un peu cette idée-là. Voilà, c'est un peu un laboratoire où, enfin, moi j'essaye de m'y faire plaisir surtout, et voilà, en gros. Et du coup, c'est un peu un échappatoire pour eux, peut-être ? Ouais, ça, alors franchement, ça dépend. Moi, j'essaye de le concevoir comme ça, en fait, le cours, c'est vrai, mais après... Je te cache pas qu'en réalité, j'ai quand même beaucoup d'hostilité au début. C'est-à-dire, j'ai droit en début d'année à pourquoi on a un cours comme ça, ça nous sert à rien, les arts, machin. Donc voilà, après, moi, ça, c'est un truc que j'ai appris à gérer. Et voilà, mais. Après, ouais, j'essaye de. Enfin, comme je disais tout à l'heure, j'essaye de l'aborder, enfin, de faire des entrées par des trucs qui peuvent quand même les stimuler à un moment donné, ou alors pas du tout. Enfin, des fois je vais prendre des choses qui vont être vraiment dans leur univers, et des fois au contraire je vais aller prendre des choses auxquelles ils auraient jamais eu accès, et voilà, j'essaye de varier un peu les approches. Après voilà, ouais, il y a des élèves pour qui c'est aussi un cours qui est assez, enfin, qui leur permet de, des fois de se révéler un peu. Enfin, dans chaque classe j'ai parfois un ou deux gamins qui sont assez bons, qui dessinent bien, ou qui ont des bonnes idées, et qui sont parfois pas des très bons élèves dans d'autres matières, et voilà. Donc ouais, c'est un cours qui est un peu à part. D'accord. Et du coup, avec le confinement, t'as dû mettre en place d'autres modèles créatifs. Enfin, j'imagine que ça a complètement changé entre le présentiel, où tu pouvais avoir plein de dessins, faire des dessins, par exemple, des choses comme ça, et la distance qui est imposée quand même. C'est ça. Chose. Ouais, c'est clair que c'était ce qui était difficile pour nous en lycée pro, c'est que, enfin, en lycée pro, t'es principalement sur de l'atelier, sur des cours en atelier, sur des cours avec du matériel, donc, et moi, effectivement, en art appliqué, on passe beaucoup par le dessin, enfin, on s'exprime par le dessin, par la main, quoi, donc effectivement, en virtuel, c'était compliqué, mais bon, par exemple, pour donner un... Ça m'a donné des idées aussi, je suis un peu sortie de... Enfin, je devrais pas dire ça, mais enfin, concrètement, moi, le programme, en fait, je le suis dans les grandes lignes, mais après, par exemple, là, dans le contexte du confinement, je me suis vraiment pris un peu une liberté, et j'ai proposé à mes élèves les plus jeunes, les CAP, les 3e, etc., de faire un petit concours photo, en fait, pendant le confinement. L'idée, c'était de se mettre en scène. Il fallait que les jeunes se mettent en scène à la manière de Philippe Ramette. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un artiste français qui fait en fait des photos surréalistes, où il se met en scène en fait de manière surréaliste, avec aucune retouche. C'est que le mec fabrique en fait des dispositifs pour en fait maintenir des poses surréalistes, etc. Et donc il a fait comme ça toute une série d'images. Il a fait aussi de la sculpture, mais c'est surtout un photographe. Et donc il a fait une série qui s'appelle les promenades irrationnelles, ou quelque chose comme ça. Et donc l'idée, c'était ça. J'ai présenté l'artiste aux élèves, j'ai présenté la démarche, je leur ai demandé à leur tour, finalement, de s'évader à l'intérieur de la maison, en fait, et de faire comme ça des prises de vue en jouant avec le cadrage, en jouant avec la mise en scène. Et donc, c'était assez drôle, parce qu'il y en a qui se sont vraiment pris au jeu, il y a des élèves qui m'ont envoyé des photos où tu vois le papa qui tient les jambes, la maman qui... Enfin, tu vois que ça a mobilisé un peu toute la famille, donc voilà, c'était... une manière de les faire réfléchir, de les faire être créatifs, sans que ce soit des devoirs chiants à faire, parce que bon, je crois que tout le monde en a un peu pété des devoirs à la maison. Je sais que pour les parents, c'était difficile. Donc, Donc oui. Voilà. Certes. Ok, super. Mais après, du coup, c'est une idée un peu plus générale. On en avait déjà un peu parlé dans le précédent podcast dessus. Mais le confinement, je trouve que ça a quand même permis de pas mal pousser le côté créatif. Enfin, j'ai eu pas mal de retours, même de musiciens et tout, qui du coup ont eu plus de temps pour eux, pour leur musique. Alors bien sûr, il y a les contre-coups derrière au niveau des concerts, mais en termes de création pure, je trouve que ça fait pas mal de bien. Et même nous, c'est là qu'on a lancé le podcast finalement, ouais. À moindre échelle, tu vois, mais... Après, créatif... À notre échelle, Victor. Fallait se lancer déjà. Mais du coup, oui, en soi, le confinement, il y a quand même eu des petits côtés positifs, je dirais, de ce côté création. Et c'est vrai que ça ressort un peu dans ce que tu dis. Enfin, je trouve que ça donne un côté original au truc, quoi. Encore plus. Bah oui, oui. Mais de toute façon, ouais, c'est ce que... Enfin, c'est vrai qu'au premier confinement, mais c'est ce que je disais au début, c'est comme c'était un peu... Enfin, c'était la première fois qu'on vivait ça, il y avait un côté un peu exceptionnel, et je me souviens qu'au tout début, il y avait même sur les chaînes de télé, là, au journal de 13h, on nous montrait des vidéos de gens en train de faire, je sais pas quoi, de faire de la musique avec des casseroles, et enfin, une espèce de créativité à deux balles, enfin, un truc un peu fun à partir du confinement. C'est comme Adam qui rappelait dans l'épisode dernier que la fameuse vidéo de Raphaël qui chantait et qui se faisait engueuler par sa femme. Oui, par exemple. Voilà. Alors, on accueille un nouvel invité qui arrive juste là, donc c'est Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour. Voilà, toi aussi tu viens du passé, tu étais avec nous pour l'épisode sur la vulgarisation. Oui. dis pas non parce que sinon là ça remonte. Il a pas l'air sûr hein, quand même. C'est là. C'est moi. Voilà. Du coup, on était en effet en train de discuter de l'aspect créatif que nous avait donné cette année 2020 malgré tout. On a eu le temps de pouvoir faire plein de nouvelles choses. C'est vrai que on va peut-être finir avec toi, Fanny, mais est-ce que toi, personnellement, tu as pu avoir ce petit boost de créativité où tu t'es lancé dans des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire ou pas le temps de faire? Ben, pas pendant le confinement, du coup, mais non, pas pendant le confinement. Après, y a l'émission de radio dont je parlais tout à l'heure, oui. Que j'ai démarré à la fin de l'année, j'aurais aimé profiter de ce temps pour écrire le roman de mes rêves, mais Bon, après t'as fait preuve de créativité avec tes élèves, donc ouais, final, voilà, mine de rien, je sais, enfin bon, on dirait pas comme ça, mais mine de rien j'ai quand même bossé, parce que en fait comme on le disait tout à l'heure, c'était quand même pour pouvoir proposer des contenus à des élèves à distance comme ça, il fallait retravailler un paquet de trucs dans l'urgence, et du coup j'ai quand même pas mal bossé. Et puis moi, j'ai repris au mois de juin, je fais partie des profs à qui on a dit au mois de juin, il faut retourner au lycée en présentiel. Et donc du coup, pareil, en fait, faire des contenus en urgence pour des classes, parce qu'il n'y avait que certains élèves qui revenaient, donc ce n'était pas des groupes normaux. Enfin, donc voilà, j'ai finalement pas mal taffé jusqu'à l'été, quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même intéressant, parce que en fait, toi, ta créativité, c'était pousser les autres à être créatifs. Et c'est ça le métier de l'enseignant, Victor. Créatif sanction. Mais d'ailleurs, Chloé, toi, en dehors de ça, le confinement, ça t'a apporté la créativité ou pas? Oh, pas de pas casser la chaîne. Ah ben super. Genre, moi pas du tout. La créativité, ça jamais. Tu couperas ça au montage, Victor. C'est ça. Tu feras un petit cut. Attends, je la refais. Alors oui, j'ai été vachement créative pendant ce confinement. Non, mais comme il y avait vachement de boulot voilà, dans l'entreprise, dans la start-up en e-santé dans laquelle je travaille. Donc finalement, est-ce que les start-up, ça ne briderait pas la créativité? C'est ça que tu veux dire? Disons que... Alors, ça peut brider la créativité, mais ça ne bride pas l'innovation, tu vois. D'accord, merci Chloé, c'est tout. Voilà. Allez, bonne soirée à tous, bonne nuit. Non, mais alors, moi, par contre, ça me donne envie de rebondir quand même, parce que quand tu lui dis « Est-ce que toi, t'as été créative ?» et qu'elle te répond « Non, pas du tout », je me dis, en même temps, est-ce qu'il n'y en a pas un peu marre de cette injonction à tirer profit de cette période? Parce que j'ai vu un article l'autre jour qui était assez intéressant là-dessus, sur le mot résilience qui sort beaucoup en ce moment dans les médias. On nous dit sans arrêt qu'il faut rester positif, avoir confiance, tirer profit de cette période de crise pour devenir meilleur, etc. Et moi, ça me gave un peu, j'avoue. Le développement personnel, donc, c'est pas pour toi. Ouais, c'est ça. Non, mais, et, non, mais c'est vrai que du coup, je trouve qu'il y a une espèce de rhétorique en ce moment qui nous... Enfin, presque, voilà, une injonction à aller bien, là, malgré la crise, à tirer profit de cette période, alors qu'en réalité, on sait qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont pas bien en ce moment, qui sont en train de perdre leurs emplois, etc. Et je trouve ça limite un peu... Ouais. Bah pardon, hein, du coup je casse un peu peut-être l'ambiance par rapport à 2020 et tout ça, mais... Bah super, voilà. C'est... non, non, mais c'est vraiment le... parce que le côté, toi alors, t'as créé quelque chose? Bah non, en fait, enfin, tu vois, désolé. Bien sûr. J'ai regardé des séries et alors, il y a un problème, ouais, je suis ouais, à jour de Riverdale. En vérité, je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça. Moi c'est pareil, d'ailleurs, oui, pour le coup, si on doit faire un retour sur 2020, j'ai rien créé moi, mais effectivement j'ai regardé au moins deux séries pendant le premier confinement, là, où je suis contente d'avoir découvert ces séries. Donc, c'est ouais. Tout ? Que deux ? Oui, c'est peu. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'était long, hein, avec beaucoup de saisons. Ah oui, d'accord. Mais c'était quoi, du coup ? The Walking Dead. Alors, moi, j'ai regardé BoJack Horseman, qui est une animation trop cool, avec un comme personnage principal, un cheval dépressif, ce qui est assez drôle, quand même. Quand même. Mais c'est vraiment... C'est marrant, c'est vrai. Ouais, c'est... Enfin, je sais pas si vous la connaissez, du coup. Si, si. Ouais, apparemment, ouais. Voilà, et... Ouais. J'ai vraiment adoré ce personnage, enfin, voilà. Et j'étais un peu étonnée de... Je pensais pas trop adhérer au départ, et voilà. Et ensuite, j'ai regardé Girls, je crois que c'est Girls, la série de... je sais plus comment elle s'appelle, cette actrice et réalisatrice-là... Une série centrée sur des nanas et qui se veut un peu féministe dans la mesure où le personnage principal est pas une icône de beauté. Comment elle s'appelle ? Lena Dunham. Voilà, c'est ça, Lena Dunham. Et, voilà. Je l'avais pas vue, c'est vieux, hein, ça date de quelques années déjà, mais. Voilà. Ok. Corentin, toi, ton année 2020, c'était de la recherche, c'était à l'étranger aussi, il me semble. Oui. Oui, ça l'était, oui. C'est toujours de la recherche, et c'est marrant qu'on en parle, parce que justement, c'est mon sujet, c'était la résilience. D'accord. Donc oui, moi ça m'arrange que les gens parlent de résilience, parce que ça m'évite de leur expliquer qu'est-ce que c'est après derrière. Et ouais. Alors, on peut pas dire que ça a été très créatif, parce que j'ai pas beaucoup produit niveau artistique, par exemple. Par contre, niveau scientifique, ouais, c'était du non-stop. Donc, moi, je suis plutôt content. Après, c'est boulot, tous les jours, nuit et jour, non-stop. Ouais, et même encore maintenant, j'arrête pas. Ok. Et tu nous Mais donnes ça... un petit peu de ton temps, c'est gentil. Oui. Bah, je dis ça, c'est, là, j'ai un pote qui me harcèle presque pour que je revienne bosser avec lui. Ça tombera. Et du coup, on avait un doute tout à l'heure avec Jonathan, c'était quoi ton sujet de recherche ? Alors, j'en ai plusieurs. En fait, il y a le gros sujet sur lequel j'ai bossé toute l'année dernière, qui était la résilience du zooplancton sur la pleine d'inondation du lac Saint-Pierre au Québec. Donc, en gros, vous voyez, c'est quoi le zooplancton ? Vaguement. Bienvenue dans un cours de biologie. En gros, c'est Piti, crustacé microscopique. Et ces bestioles-là, il y en a plusieurs espèces qui ont la particularité de se mettre en dormance, en fait. Donc, si vous voulez, au Québec, il y a un fleuve qui s'appelle le Saint-Laurent. Et ce fleuve, de façon saisonnière, il va déborder. Pourquoi ? Parce que les glaces fondent et puis il y a beaucoup de neige au Québec. Donc, il y a beaucoup d'eau qui arrive comme ça au printemps d'un seul coup. Et le fleuve déborde, en fait, sur ses rives. Et sur ses rives, bah, il y a énormément d'agriculteurs. Pourquoi ? Parce que ce fleuve-là, il est chargé en matière organique. Donc, c'est super intéressant pour les agriculteurs de se servir de ces terres qui sont, du coup, fertiles de façon saisonnière. Mais d'un autre côté, c'est embêtant parce qu'ils ne peuvent pas planter là où le truc est inondé. Il y a de l'eau. Donc, il faut qu'ils attendent la fin de l'inondation de la plaine pour pouvoir commencer à semer. Et en fait, dans cette eau-là, justement, il y a du zooplancton. Et quand l'eau commence à baisser, le zooplancton, il se fond dormant, il se cale sur le sol. puis il fait plus rien jusqu'à la prochaine crue l'année d'après, où là il se remet dans l'eau et il bouffe, il se reproduit, tout ça. Donc la question qu'on s'est posée, c'est pendant ce laps de temps où le plancton il est en dormance et que les agriculteurs cultivent, bah, quelle est l'influence justement des activités agricoles sur le zooplancton? Est-ce qu'il va pouvoir derrière, bah, est-ce qu'il y en a qui vont crever tout simplement par dérangements en fait mécaniques avec le travail du sol, ou dérangements chimiques avec les engrais, les pesticides, ce genre de choses, et quel impact ça pourrait avoir derrière sur bah, les bestioles qui se nourrissent de zooplancton et les trucs dont le zooplancton se nourrit. Donc tout ça, c'était mon travail l'année dernière, c'est un travail qui est encore en cours, on fait un suivi annuel, donc on continue, enfin, j'ai bossé avec une doctorante qui, elle, était en Inde, donc j'ai fait tout le taf de terrain et le taf de laboratoire pour elle, parce qu'elle ne pouvait pas venir au Québec à cause du confinement, et là, bah, elle est au Québec et pas moi, donc en fait, je la coach à distance, et en même temps, on réfléchit à ce que ça implique, quel traitement, quelles analyses on peut faire. Et ensuite, après ça, bah, on m'a proposé un sujet de thèse, donc complètement monté par moi sur un autre projet de recherche sur lequel j'avais travaillé quand j'étais là-bas, qui est en fait Holopedium, donc c'est une autre espèce de petite crevette microscopique, sauf qu'elle, elle forme une capsule de gélatine en fait, pour se protéger de son environnement. Et c'est une capsule qui est tellement grosse en fait, que la plupart des prédateurs ne peuvent pas la bouffer. Les petits poissons, ils n'arrivent pas à gober cette bestiole-là. Et ce qu'on observe, en fait, depuis les années 70, où il y a eu énormément de pluie acide, ce qui a causé une déplétion en calcium dans les lacs de l'hémisphère nord, c'est que cette bestiole-là pullule. Pourquoi ? Parce que cette déplétion en calcium, elle n'a pas profité du tout aux bestioles qui avaient grand besoin de calcium, comme les daphnies, qui est une espèce de zooplancton qui est ultra répandue. Mais l'holopédium, lui, bah, il peut se contenter de pas grand-chose parce qu'en fait, sa gélatine, lui, il l'a fait avec des sucres. Donc, juste à bouffer des algues, ça lui suffit à former le nécessaire de gélatine derrière pour pouvoir survivre. Yes. Okay. Super, Corentin. Je pense que tu as perdu absolument tout le monde. Mais, mais en tout cas, ce qu'on retiendra, c'est passion crevette microscopique. Voilà. Et résilience. La résilience, toujours. Toujours un peu résilient. Mais c'est vrai que Fanny, tu avais commencé avec les séries. Est-ce que tu avais d'autres choses, toi, que tu as pu... Among Us, tu nous disais tout à l'heure que tu as découvert... Ouais. Oui, bref, oui. Bah, du coup, si tout le monde connaît, c'est pas la peine de trop en parler. Toujours intéressant. Ouais, bah surtout que pour moi qui suis totalement pas du tout geek et pas du tout jeu et pas du tout, enfin, je suis vraiment, je me sens un peu à part parfois parce que j'ai même jamais eu une console, enfin voilà, j'ai jamais rien eu, jamais joué si ce n'est à Rayman sur ordinateur quand c'était en mode comme ça là. Mais oui, on m'a fait découvrir Among Us là et j'ai trouvé ça rigolo, effectivement. Donc un premier pied dans le monde du jeu vidéo. Voilà. Mais en plus, ce qui me plaît bien, c'est que, parce que c'est sur, finalement, c'est sur le modèle de, comment on appelle, du loup-garou, enfin ce genre de jeu avec un intrus, enfin un traître. Et voilà, ce qui me plaît bien, c'est que c'est à distance, parce que je suis assez nulle au loup-garou en général, parce que je sais pas mentir, et du coup... Si c'est moi le méchant, je deviens rouge tout de suite. Ça se voit très vite. Donc là, au moins sur Among Us, je peux un peu faire illusion, quoi. Ok. Mais j'ai l'impression, en fait, je suis le seul ici qui a jamais joué à Among Us, je pense. Ah. T'as jamais joué à ça ? Non, j'ai jamais joué. Parce que quand même, 2,50€, c'est cher. Hein. Quand même, c'est vrai que c'est onéreux. C'est un investissement. Non, Corentin non plus, t'as pas testé. Parce que c'est vrai que c'était un peu le phénomène de la fin d'année, quoi. Ouais. Incroyable. Et alors, en plus, alors que le jeu existait déjà depuis un long moment, quoi. Et... C'est ce qu'on disait, tu vois, la célébrité est venue à ce jeu. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que ouais, il me semble que ça avait un an au moins le jeu. Enfin, il était sorti depuis un an. Mais le fait est que c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui sont sorties. On en discutait avec Chloé la dernière fois. Il y a des jeux ou des films ou des séries qui sont sortis parfaitement. Bon moment. On pensait avec Chloé la dernière fois à Animal Crossing. sur Switch, où c'est vraiment le jeu du confinement, avec le jeu du déconfinement, c'était Among Us. Il y a eu plein de trucs. Il y a Scriblio aussi, qui est une espèce de pictionnerie en ligne. Je sais pas si vous avez d'autres exemples comme ça de trucs qui sont sortis, parce que moi je vois beaucoup jeux vidéo, parce que bon, c'est on va dire que Animal Crossing, ça me parle beaucoup parce que je suis en train d'écrire un article sur le sujet. Et après, il y a un jeu que j'ai découvert aussi, mais qui était sorti genre un petit peu avant Halloween, qui est Phasmophobia. Et j'avoue que ça fait bien délirer et que c'est pas trop chronophage. Ok, je crois qu'on. Peut-être que tu connais pas Fanny, Phasmophobia. Non. En fait. Victor, vas-y. Non, non, décris tes aventures. Chloé, décris-nous Phasmophobia. Alors, ça va être compliqué parce que même avec. Combien d'heures de jeu ? 4, 5, 6, 7 ? Peut-être 7 heures de jeu, je pense, j'ai toujours pas compris certains éléments de ce jeu. Ce qui est, du coup, ça permet de découvrir des choses vraiment sur un certain temps assez long. Donc ce jeu a une durée de vie assez incroyable. Mais sinon, c'est un jeu dans lequel tu vas chasser des fantômes. Tu es un chasseur de fantômes avec ton camion, tel le camion de C'est pas sorcier, donc. Et tu vas te balader de maison en maison, de ferme en ferme, d'asile en asile, de prison en prison, pour chasser ces fantômes-là, découvrir qui ils sont à l'aide de certains éléments, de certains indices qu'ils peuvent te laisser. Alors c'est à toi d'amener, par exemple, un cahier dans lequel il peut écrire s'il sait écrire, ou un crucifix, voilà, pour le faire fuir, etc. Plein d'autres éléments comme ça. Donc en gros, tu chasses des fantômes et tu te perds dans des maisons, et tu hurles à la mort quand tu vois leur visage près de toi, ou que tu les entends souffler dans tes oreilles. C'est un petit peu un jeu qui fait flipper, en effet. À peine. Okay. Voilà. Mais du coup, en fait, ça peut se jouer à 4, et puis du coup, on peut être à 4 avec un talkie-walkie, chacun dans un coin de la maison, en disant « Ah, moi ça va », et puis à un moment, genre « Ah !» Si t'oublies pas d'appuyer sur la touche pour parler, donc. Oui, c'est ça. Et du coup, tout le but, c'est aussi de parler aux fantômes. Parce que c'est connecté à ton micro et du coup tu dois répéter le nom du fantôme pour essayer de l'exciter et pour qu'il vienne te montrer qu'il existe, quoi. Là aussi, si tu te souviens du prénom du fantôme. Ouais, c'est ça, parce que en général c'est marqué dans le camion, mais tout le monde part et puis personne ne lit et puis on se retrouve tous comme des cons. T'as pas l'accent nom du fantôme. Sinon il nous comprend pas. Donc... Ouais, exactement. C'est ça. Bah, en gros, je sais pas si tu connais la série Ghost Adventures par exemple avec Zach Bagan. Non. Ghostbuster. Busters. Ouais, mais Ghostbuster, c'est un peu, spaghetti dans le sens, tu sais, c'est bubblegum, quoi. T'as des fantômes verts et tout. Là, c'est plus, j'ai pas envie de dire réaliste, parce que c'est des fantômes qui font voler des. Peut-être plus Poltergeist, le film. Ok. Voilà, donc c'est plus dans cette idée-là. Après, bon, t'as pas de passage dimensionnel et tout, mais. En gros, tu te balades dans une maison et le but, c'est vraiment de regarder tout ce qui se passe autour de toi, de tendre l'oreille, d'essayer de trouver, en fait, tu sais, genre, écouter s'il n'y a pas une porte qui s'ouvre, un objet qui tombe par terre, un robinet qui s'allume, etc., pour essayer de localiser l'endroit où se trouve le fantôme. Et le fantôme, tu ne le vois pas tout de suite. Hein. Il faut un bon petit moment avant qu'il se décide à apparaître, etc., comme disait Victor tout à l'heure. Il faut l'exciter un petit peu, mais plus tu l'excites, en fait, et plus il va faire des choses. Et si tu es présent quand il fait les choses, t'as un système de santé mentale. Et plus ta santé mentale est basse, et plus t'as de risque de te faire attaquer, en fait. Et si tu te fais attaquer, tu meurs. Et du coup, il y a ce moment génial où, en fait, ton personnage est mort et tes amis doivent venir genre prendre une photo de ton corps pour avoir un peu d'argent à l'assurance. Mais ça veut dire en général aller à l'endroit où il y a le fantôme et du coup personne veut y aller et du coup tu finis sans le sou. Je te prendrai en photo, Victor. De quoi ? Je te prendrai en photo, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, parce que moi à chaque fois c'était moi qui me faisais attraper. Parce que ouais, j'étais le plus téméraire. $15 aussi. Hein. Voilà, pseudo reconfinement. En jeu récent qui a pris pas mal de popularité aussi, il y a GeoGuessr, je sais pas si vous connaissez. Qui est un jeu qui du coup se base sur Google Street et Google Maps. Et alors j'ai pas eu l'occasion de jouer, mais j'ai vu quelques streams dessus, ça m'avait l'air plutôt sympa. Je sais pas s'il y en a certains qui ont joué déjà ici. Bah, c'est ce que disait Jonathan, c'est un jeu où en fait t'es sur Google Maps et on te balance mais n'importe où. Alors, le jeu de base, la carte de base, c'est planète, quoi. C'est la Terre. Et on te balance n'importe où sur une route qui a été mappée par la Google iCar. Et le but, c'est de trouver sur la carte du monde précisément où est-ce que tu te trouves. Alors, au niveau de la planète, je crois que c'est à un truc comme 50 km près, ce qui est déjà pas mal. Mais le but, c'est toujours d'être au mètre près quasiment sur la carte, quoi. Et c'est un jeu qui était complètement gratuit il y a encore quelques années. Puis il y a 2-3 ans, Google a dit « Ouais, mais en fait, nos serveurs, bah, ça fait un peu chier que vous les utilisez gratuitement pour ça, alors on va vous demander de nous les louer. » Et les concepteurs de GeoGuessr, comme ils ne voulaient pas recourir à la pub intrusive, ils ont dit « Bon, bah, les gars, on vous offre une partie gratuite par jour, et seulement sur la map Terre. Et après, si vous voulez jouer plus souvent ou sur des maps un peu particulières comme les sites célèbres dans le monde, on le balance sur les sites ultra touristiques, pour savoir lequel c'est, bah, il faut payer, quoi. Donc c'est 4€ par mois. Super. Mais c'est vachement rigolo parce que en général, il va te balancer sur une route à 50 km de la ville la plus proche, au milieu de l'Ouganda, et tu vas être là, genre, yes, là, il y a un chemin de terre, et c'est tout. Et tu dois te... T'apprends vachement la géographie, en fait. Mm. Parce que tu vois direct, tu cherches les panneaux, bon, les plaques d'immatriculation sont illisibles, mais tu cherches les panneaux pour essayer de trouver bah, déjà l'écriture, les caractères, machin. Tu essaies de te repérer à la végétation, à la topographie du lieu. Et attends, on est biologiste ou pas? Ouais, je suis biologiste, ouais. Je vais reconnaître sur GeoGuessr. Je le connais, cet arbre. Exactement. Voilà. Il aimait tellement cet arbre qu'il en est parti. Ah oui. Mais... J'ai cliqué sur la croix, génial. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ce n'est pas... Mais... Et puis, est-ce que t'as regardé des films ou regardé des séries, Corentin, ou t'as pas eu le temps? Parce que t'étais trop concentré sur ton phytoplancton, peut-être? Bah, c'est ça, en fait. J'étais dans un autre pays, donc j'ai essayé de visiter un petit peu le lieu, et j'avais pas de bagnole, donc j'étais à pied, donc c'était long. Oui, surtout que, bah, Canada, il y a de la route, quoi. Oui, j'en ai profité pour essayer d'apprendre toutes les espèces d'oiseaux, d'arbres et de poissons que je pouvais trouver là-bas, donc ça a été vachement marrant. Après, si, bah, j'ai découvert la série The Office avec une autochtone de là-bas qui m'a fait connaître cette série. Je connaissais vite fait de nom et franchement, c'est super marrant. Non, du coup, t'as regardé la série américaine, la version américaine? Avec Steve Carell et John Krasinski. Ouais, excellent. Très très très bon humour, façon docu-fiction sur la vie dans un bureau d'une entreprise de peuple pays. C'est très marrant. Bah après, c'est une série qui joue beaucoup sur le malaise, et moi ça passait pas du tout, tu vois. Parce que dès le premier épisode, tu te sens pas bien. Et voir du malaise, moi ça me... J'étais en sueur, je tremblais, j'étais vraiment pas bien pour eux, du coup j'ai dû stopper, aller respirer. Mais bon, j'imagine que tout le monde aime, donc j'imagine que... Ça doit être vraiment cool, mais... Je sais pas si tout le monde aime, mais la preuve, c'est que je n'aime pas. Non, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que vraiment, moi, dès que je vois du malaise, genre malaise TV et tout, je supporte pas, je me sens pas bien pour les gens, en fait. Du coup... Mais cette série se base un peu sur ça, c'est que des situations où tu sens qu'il y a des malaises et tout, et des non-dits, et moi, ça me met pas bien, en fait, du coup. Mais bon. Chloé, tu connais, toi, The Office? Non, pas du tout. Je ne suis pas créative, je ne regarde pas The Office. C'est bon pour vous ou pas? Super, Chloé, merci d'être venue. Non voilà. Bon, mais bonne nuit, encore une fois. T'as bien expliqué ce qu'on peut dire. Ah bon, bah c'est déjà un point. Du coup, quelqu'un d'autre a découvert des choses cette année? Ou fait des choses exceptionnelles? Parce que c'est vrai que quand on a commencé, tu vois, il y a des choses dont on n'avait pas reparlé, mais Jonathan, cette année, il en a profité pour commencer à faire de la spéléo ou des choses comme ça. Pourra peut-être nous en parler après, mais c'est vrai qu'on en avait parlé dans le tout premier épisode, je crois. Ou alors, c'était l'épisode qui avait eu un foirage C'était l'épisode moins 1 qui était peut-être... Il y a eu un souci de son et du coup, on ne l'a pas gardé, mais... Est-ce que quelqu'un a fait des choses exceptionnelles cette année ou qui sortaient de l'ordinaire? Pourquoi vouloir toujours faire quelque chose d'exceptionnel. Mais justement, j'en étais sûr, Chloé. C'est pour embêter Fanny. C'est ça. Il y en a marre de cette dictature de l'exceptionnel. Non, mais des choses qui que vous n'auriez pas pensé faire. Si, alors c'était un truc assez global sur la reconnaissance des métiers pénibles pendant la crise. Tu sais, il y a eu toute une... En fait, c'est ce qu'a développé Monsieur Jacques Attali dans son livre « L'économie de la vie ». Et il disait en fait voilà que certains métiers, on s'est rendu compte par les confinements divers et variés que nous avons vécu, que certains métiers, les métiers les plus indispensables étaient les plus pénibles et les moins bien payés. Donc ça rejoint aussi ce que disait Monsieur David Graeber dans son fabuleux livre « Bullshit Jobs ». Mais j'en avais parlé déjà au précédent podcast, voilà. RIP. Merci de remplacer Adam, en tout cas. C'est ça. Après, je suis Adam, pas sûr qu'Adam aurait cité du Attali. Ça, j'ai un doute. Oui, non, il a un parcours politique, j'avais regardé, un peu particulier. Ah oui, on a eu l'année dernière le deuxième cas d'un patient guéri du VIH. C'est le patient de Londres. tu nous sors des trucs tellement précis là, non mais. Tu veux que je continue? Vas-y, tu peux continuer ta petite liste. Hein. C'est vrai que c'est les trucs. C'est que t'avais fait une liste de trucs positifs qui s'étaient passés pour cette année, c'est ça? Exactement. Je pensais que c'était ça le thème. Tu sais, quand on avait fait le premier podcast, je pensais que c'était ça. Du coup, j'ai ma liste. Tu vois, sur le bloc-notes. Ah ouais. D'accord. La poliomyélite, pardon, éradiquée en Afrique. Voilà. Checkbox. Allez, hop, je crois que Fanny va s'en aller là. Et après, voilà. Ah si, là, vous allez pouvoir rebondir avec la sortie de Cyberpunk. Voilà. À oui. Alors, la sortie de Cyberpunk. Bon, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'était une grosse déception pour beaucoup. Moi, ça va, mais j'ai tendance à me contenter de peu. mais c'est vrai que... Bon, c'est quelque chose qui était attendu depuis des années, des années, des années. Forcément, il y a un moment où tu... Il y a un moment où ça foire quelque part, quoi. Ça peut pas être... Ça déçoit forcément, et en plus, là, raison, quoi. Parce que... plein de soucis au niveau bug et tout, le jeu était pas fini en fait, simplement, et j'ai eu encore la chance d'y jouer sur PC, donc ça va, mais je pense aux joueurs PS4 notamment, qui ont eu le bonheur de découvrir un jeu PS2. Non, bah, c'est rétro ou c'est pas rétro? Ah, et ça, c'est vrai. Mais non, mais en vrai, j'ai testé la version PS4 au boulot. Et en fait, c'est juste à partir du moment où tu te retrouves vraiment en monde ouvert dans la ville où ça déconne complètement. Mais sinon, le reste est plutôt convaincant. Même s'il y a des bugs visuels, des ralentissements et tout. Franchement, c'est pas dégueu, quoi. Le jeu est beau, la direction artistique est incroyable. Voilà. C'est beau, non, je pense que c'est... Je sais pas, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on espérait, quoi. Déjà, ça aurait dû arriver en avril, c'est arrivé en décembre. T'imagines si c'était arrivé en avril? Ouais. Il y aurait eu des polygones. C'est ça. On se retrouverait avec la première version de Tomb Raider, tu sais, ce même à chaque fois qu'il sort. avec Lara Croft et ses seins en cône. C'est ça. Les fameux. Voilà. Sinon, est-ce qu'on passerait pas à l'année 2021 Yes. Énorme. Grosse ambiance. Et ouais, parce que c'est vrai qu'on est déjà le 21-01-21. Je sais pas pourquoi les complotistes n'ont pas choisi cette date pour quelque chose, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que... Elle a de la saveur, cette date. C'est vrai que du coup, on a beaucoup parlé là, dans l'émission précédente et puis dans celle-ci de l'année 2020. On a parlé un peu de nous au sein de cette année. Est-ce qu'on parlerait pas de nous dans l'année 2021, ce que ça peut nous apporter. Qu'est-ce que vous attendez pour vous, pas forcément pour le monde en général, Covid et compagnie, on s'en fout, on sait pas. Voilà, c'est bon, c'est on a déjà vu en étant myope. Mais qu'est-ce que vous attendez de choses simples pour 2021, Fanny, si tu veux te lancer. Je vais réfléchir pour l'instant, je vais passer mon tour. D'accord, Chloé. Ouais, attends, je sors mes slides. True story, par contre. Alors, on y va. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan comptable 2021. En fait, non. Alors là, bon, évitons d'en parler. Non. En fait, dans la boîte dans laquelle je suis, ils font une méthodologie qui est assez intéressante. Tu sais, la méthodologie OKR. Alors bon, c'est très start-up et tout ça. Adam va me tuer s'il entend ça. Oh, c'est pas le seul, t'inquiète. En gros, tu te fixes un objectif. T'as des objectifs à l'année et ensuite des objectifs au trimestre. Et ensuite, là, par exemple, tu vois, mon objectif donc du premier trimestre 2021, c'est avoir un corps à en rendre jalouse Emma Watson. Tu vois? Why not? Et ensuite, tu vas fixer des résultats clés. Donc, objectif key results, en gros. Okay, résultats clés, quoi. Et donc, pour ce premier trimestre, je me suis dit que j'allais faire du vélo 3 fois par semaine pendant au moins 30 minutes, que j'allais tenir 2 minutes en gainage sans scier et assumer 20 pompes d'affilée à même le sol. Vous voyez ou pas? Waouh! Ok. Autant vous dire qu'à ce jour, rien n'est fait. Mais c'est un beau projet en tout cas. Du coup, c'est vraiment un truc que t'as avec de ton boulot, ça? Ouais, enfin, c'est une méthodologie. Enfin, du boulot, non, bah, c'est. Juste la méthodologie du boulot, c'est pas genre ton objectif professionnel. Gainage tous les matins quand elle arrive. C'est ça. Non, pas du tout. En gros, c'est la méthode qu'utilise Google, je crois. Bah, pareil, pour avancer, innover et en gros, ne pas perdre de vue. Bah des objectifs, quoi, comme quand on fait ses résolutions. Mais c'est pas ce qu'on appelle dans le langage profane des gens qui ne bossent pas dans la start-up une to-do list. Alors non, parce que la to-do list, c'est ce que tu vas mettre en place. Enfin, voyons Victor. Rien à voir. La to-do list, c'est ce que tu vas mettre en place pour atteindre tes résultats clés. Et alors, dans cette méthode-là, ça s'appelle des initiatives. Donc en gros, pour tenir mon vélo 3 fois par semaine pendant 30 minutes, bah, je vais me dire, la première semaine, je vais en faire que 2 fois pendant 10 minutes. Puis la deuxième semaine, je vais en faire 2 fois pendant 15 minutes, etc. etc. Donc tu vois, c'est plus to-do list. D'accord. C'est vrai que la différence est évidente. Ouais, vraiment, c'est... Ah non, mais faites un effort s'il vous plaît, quoi. Voilà, et après des trucs plus. Genre, je m'étais mis aussi finir un jeu de PS4. J'avais pas mis dedans que j'allais commencer sur Twitch. Donc voilà, ça fait partie des aléas de la vie. Et c'est beau, j'ai envie de dire, finalement. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai découvert un super jeu que vous avez probablement dû voir en stream, donc, en regardant... je pose mon pseudo, pas du tout. Vas-y, fais ta pub partout. Fais ta pub. C'était Brothers, A Tale of Two Sons, avec l'accent bien anglais comme il faut. C'était une super belle histoire de deux frères qui avaient perdu leur mère et dont le père était malade, et donc ils se font l'aventure, c'est ils vont chercher un remède pour sauver leur papa. Et c'est très très émouvant, en fait. La bande son est vraiment fabuleuse et les images sont incroyables, fait par un studio de jeu indépendant, donc vraiment je recommande. Et il y a des bancs en plus. Il y a des bancs. On peut s'asseoir sur des bancs et contempler le paysage. C'est juste magnifique. Et en plus, c'est un jeu qui est assez ancien, il me semble. C'est un jeu qui date de 2013. Il était sorti sur Xbox 360, enfin sur le Xbox Game Pass. Enfin, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais... Mm-hmm. Ouais, mais il a hyper bien vieilli, quoi. Enfin, franchement... Ouais, c'est vrai que c'était plutôt joli. Je me souviens quand même que t'as maltraité des tortues, mais ça, c'est bon, c'est une autre histoire. Non, c'était les moutons, surtout. Les moutons qu'on finit à l'eau. Oui. Super, l'exploitation animale, génial. Après, ouais, t'as quand même balancé des tortues sur leur carapace, sur de la glace pour les faire glisser et tout. Oh, c'était pour qu'ils rejoignent leur maman. Ouais. Est-ce que ça justifie... Est-ce que la fin justifie les moyens? D'ailleurs, parlons-en. Allez, c'est parti. Je vous invite à tous regarder la tête du chat en ce moment. Oui. Le chat est bien. Le chat est très très bien là. Oh là là, mon dieu. Toujours plus quoi. Bon. Oh le pauvre. Oh la tête qui tire. On sait pas trop s'il est heureux ou s'il est. Je sais ou pas s'il va t'éclater en fait. Ouais. Non, mais... on dirait littéralement le chat même qui est un peu partout ouais. Là. Qui fout qui hoche la tête comme ça ouais, ouais. Qui hoche la tête sur de la musique et tout qui a les yeux fermés ouais, ouais, c'est ça mais oui non c'est vrai que l'instant chat était très drôle Fanny c'est pas très radiophonique par contre je suis désolée oui mais c'est pas grave on le laissera quand même c'est pas grave. Et voilà. Éventuellement tu enverras une photo Corentin de ton chat et on voilà. La mettra Est-ce qu'on ne pourrait pas écouter son ronronnement, peut-être je regarde si il fonctionne. Il va porter le chat par le cou. Oula. Non, mais... Oh, bah, non. Il faut le faire écouter à nous, pas à toi. Non, mais regarde. Si enfin, je sais pas. Voilà, je trouve le bouton. Il a l'air un peu perplexe quand même. Je veux pas savoir ce qu'est ce bouton vu la position de ta main. Vraiment. Là, voilà, là ça marche. Ah oui, le. Ouais, ouais. Attends, toi aussi, ton chat il se lèche comme un idiot quand il gratte au niveau du cul-cul. Oui, c'est parce qu'il est plus svelte comme il était quand il avait que un an ou deux. Et du coup, bah, il peut plus lécher le. D'accord, donc là tu viens, d'accord, et tu vas te laver les mains ou Non, c'est pas le cul. Ah, d'accord. Non, mais je demande. Il y a beaucoup de place comme ça qu'il peut plus toucher avec sa langue. D'accord, bon à savoir. Super, mais bah, écoute, je pense que tout le monde est content de l'apprendre. C'est ça. Et surtout, merci pour cet incroyable moment de radio. tout le monde a très bien vu ce qui se passait. Et du coup, pour continuer, je voulais venir à Fanny. Tu as peut-être eu le temps de réfléchir, mais déjà, je voulais te demander, tu avais quelque chose à nous raconter par rapport à l'ASMR aussi. Ah, bah non, mais du coup, j'ai failli rebondir quand vous avez parlé de ronronnement de chat. Mais, ah, ben, si mais, tu veux, je couperai tout le passage et je ferai un rebond genre naturel. Voilà. Non, mais bah, non, je sais pas. Non, c'est que j'en ai parlé l'autre jour, mais après. C'est peut-être pas forcément très intéressant. Bah, ça fait partie des choses que tu as découvert, enfin pas forcément découvert là, mais que tu as consommé, on va dire. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, non, je sais pas que dire là-dessus, si ce n'est que quand même cette période ayant été assez anxiogène, enfin étant assez anxiogène. Il y a pas mal de méthodes comme ça, alternatives de relaxation, de détente, qui trouvent pas mal de souffle en ce moment. Et donc, c'est pour ça que l'autre jour, j'ai fait une chronique sur l'ASMR pour présenter un peu ça, parce que c'est, je trouve, un peu systématiquement moqué, tourné en dérision. Et du coup, j'ai fait un peu des recherches là-dessus. Et j'étais assez étonnée, d'ailleurs, de découvrir que, je sais plus exactement, je crois que c'est en avril ou avril 2020, enfin mi-2020, c'était les quatre lettres ASMR, c'était la troisième requête sur YouTube. Après BTS, qui est un groupe de K-pop coréen, et un YouTuber, PewDiePie, là, le YouTuber le plus célèbre. Ok. Donc ça en dit long quand même sur le fait que le truc a quand même pas mal d'adeptes. Et toi, du coup, tu tu pratiques l'ASMR ou tu du moins tu est-ce que tu fais de, tu écoutes de l'ASMR? C'est gênant. oui, non, ça m'arrive. Mais moi, après, j'ai un peu des choses bizarres comme ça. Déjà, j'aime bien ce qu'on appelle les bruits blancs. Il existe sur Internet et sur les smartphones des applications génératrices de bruits blancs. Les bruits blancs, c'est les espèces de pshhh que fait votre télé quand elle est... Enfin, des bruits, voilà, ou comme un bruit de sèche-cheveux, enfin, une espèce de bruit... Et c'est un truc qui... Enfin, il y a des générateurs comme ça sur Internet et qui sont des sons qui apaisent certaines personnes et qui même soignent pour certains les acouphènes. Et donc voilà. Alors, je vais rebondir sur deux choses. Déjà, de une, je pense que tu t'entendrais très bien avec Brice qu'on va recevoir à dimanche pour un enregistrement, qui lui, je l'ai beaucoup connu à écouter des sons d'aspirateur pendant des heures. Ouais, moi je suis plus sèche-cheveux, mais après chacun son appareil électroménager préféré. Voilà. et sinon, bah, le bruit blanc que tu décris, c'est littéralement un bruit que j'ai en permanence dans les oreilles. Ah ouais? Ouais, c'est pas vraiment des acouphènes, c'est. Enfin, ça s'apparente à des acouphènes. Mais c'est un bruit parasite que j'ai en permanence dans les oreilles et auquel je fais plus vraiment attention, sauf au moment où j'essaie de me concentrer ou de dormir, notamment. Et c'est un bruit que j'ai en permanence quoi, dans les oreilles. Voilà. Est-ce que tu as déjà justement essayé de t'endormir avec un bruit blanc, un truc qui viendrait... Parce que normalement, ça... Enfin... Je sais que les bruits blancs, vraiment, c'est un truc qui est utilisé pour les gens qui ont des acouphènes. Bah, jamais avec des bruits blancs, mais c'est vrai que je peine à m'endormir si j'ai pas un truc sonore à côté de moi. Ouais. Pour pouvoir masquer un peu ça. Même si... voilà, c'était... Bah après, c'est un peu l'idée. Hein. Moi, c'est pareil que... Enfin, moi, c'est pareil. Quand j'ai des périodes où je suis un peu stressée et tout, je m'endormir dans le silence complet, ça me gêne un peu. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir... Son pour m'endormir. Voilà. C'est chelou hein, parce que c'est ni plus ni moins que. J'ai une pote un jour qui m'a dit oui, en fait, si t'habitais à côté d'une autoroute, ça ferait pareil. Ouais, c'est un peu ça, mais je sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'apaise. Voilà. Et donc, du coup, c'est en partant de ça, finalement, au départ, que je suis arrivée petit à petit à l'ASMR, que j'ai découvert l'ASMR. Et voilà. Mais alors, je dois reconnaître, j'en écoute pas beaucoup, mais le peu que j'ai écouté, en effet, ça donne un effet très très très très agréable pour moi. Alors apparemment, c'est assez clivant comme truc. Y a des gens qui trouvent ça génial, d'autres qui trouvent ça insupportable. Je pense être un petit peu entre les deux. Je sens que ça me fait des trucs, mais j'ai jamais poussé plus que ça en fait. Bah après, c'est ce que j'expliquais dans la chronique là, sur Sandwich, c'est qu'il y a différentes catégories de vidéos, il y a des catégories qui sont vraiment centrées sur les sons, donc tu as vraiment des types qui font un travail de design sonore, vraiment des gars qui sont des vrais apprentis sorciers, qui conçoivent en fait, qui sont dans la recherche presque du déclencheur parfait, parce qu'en fait, je vais pas vous refaire tout le truc, mais pour expliquer très rapidement, le sigle ASMR, en fait, ça décrit, ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response, un truc comme ça. C'est genre réponse autonome du méridien sensoriel. Et en fait, ça décrit, au départ, le mot, il décrit la sensation de frisson. Alors moi, j'ai jamais ressenti ce frisson-là, mais les gens vraiment qui sont adeptes du truc disent qu'ils ressentent un frisson, un truc qui part du crâne et qui est un peu comme quand... Enfin, ça peut se déclencher avec différents sens. Moi, je prenais l'exemple de quand t'es... Enfin, bon, je sais pas si vous aimez le coiffeur, mais quand t'es chez le coiffeur et qu'on te tripote les cheveux et que t'as un son, un fond sonore de machin, t'as des gens qui ressentent une détente à ce moment-là et c'est apparenté à ce truc-là. Bref. Donc, du coup, l'ASMR, c'est au départ juste la sensation. Et donc, le but des vidéos ASMR, c'est de déclencher cette sensation. Donc soit avec des bruits, soit avec des images, soit avec la dernière catégorie de vidéos qui est la plus chelou dans l'ASMR, c'est les vidéos roleplay. Où en fait, t'as en face de toi un mec qui s'adresse à toi directement et qui... Il y a Chloé qui fait des énormes yeux. C'est un monde complètement à part pour moi. C'est... Ouais, ouais, c'est très très chelou, hein, c'est très très bizarre. Mais, et c'est un peu triste aussi parce que du coup... C'est, enfin, ce qu'explique les vidéastes ASMR, c'est que ce qui plaît aux gens dans ces vidéos-là, c'est l'attention personnelle, la sensation d'avoir une attention personnelle, d'avoir quelqu'un qui s'adresse à toi avec bienveillance et tout ça. Et du coup, c'est un peu triste par rapport à la société dans laquelle on vit d'aller sur du numérique pour ce genre de choses, quoi. Mais voilà. Tu dis pas un peu l'érotisme de la chose aussi ? Bah alors il y a des gens qui ont tendance à dire oui qu'il y a un côté érotisant machin. Les vidéastes ASMR vraiment s'en défendent. Enfin il y a rien de sexuel. Alors après sans doute qu'il y a maintenant sur les sites de cul oui. Des rubriques ASMR. Non mais c'est obligé parce qu'en fait tu peux évidemment faire des vidéos érotiques porno. En intégrant des sons, en intégrant des machins d'ASMR, mais au départ c'est pas du tout la même sensation, enfin on parle pas du tout de la même chose. Il y a un des vidéastes dont je parle beaucoup dans la chronique que j'ai fait l'autre jour, qui apparente ça aussi à, je pense vous avez sûrement tous vu Amélie Poulain, et au tout début il y a le narrateur qui dit Amélie aimait, et donc il y a plongé la main dans un sac de grains, cassé la croûte d'une crème brûlée avec le dos de la cuillère, et il y a des bruits, il y a des choses, et en fait l'ASMR c'est ça, c'est cette espèce de sensation un peu nostalgique aussi, enfin donc il n'y a rien de sexuel là-dedans quoi, c'est plus un plaisir un peu étrange. Comme il y a une copine l'autre jour qui disait moi pendant une période j'aimais bien regarder des vidéos de slime, je crois, c'est une espèce de pâte à modeler. Moi, j'ai pas connu ça, mais une espèce de pâte à modeler, là, et elle dit qu'elle regardait des fois des vidéos de gens qui trituraient de ça pendant des heures, et je lui ai dit, bah, ça, c'est typiquement un truc un peu d'ASMR, quoi. Ah oui, ou genre les vidéos ultra satisfaisantes où tu vois des genre une chaîne de fabrication, puis les boulons qui rentrent parfaitement dans les trous, des trucs comme ça. Ouais, bah c'est ça. Bah c'est ça, en fait. C'est l'idée de satisfaction visuelle ou auditive, ou c'est ça, en fait. Tout est rangé. Mais t'as aussi le contraire, où c'est des trucs où ça tape à côté, ou... mais il n'arrive pas à se tirer en dessous de tapis, ou je sais pas quoi. T'as... Ah, j'ai jamais été voir ça. Ouais. Génial. Factory vidéo ou un truc comme ça. Mmh, ok. Ouais, bah c'est l'opposé du coup. Ouais. Là, tu te sens pas bien à la fin. Mmh. Ouais, ça stresse. Ouais. C'était, ouais, il y avait une vidéo qui circulait à une époque comme ça avec les trucs genre qui énervent ou. C'était que des petites vidéos comme ça avec un mec qui lance un ballon et ça rebondit sur les bords du panier de basket. Et ça roule et ça va à l'extérieur. Et que des petits trucs comme ça où la canette qui tombe sur le verre du distributeur et qui reste bloquée. Que des petits machins comme ça. Et sinon, sur l'ASMR, on va faire peut-être un petit tour de table. Je sais que... Je pense que ça n'a pas passionné grand monde. Hein, mais... Non, mais... si, ben, moi, j'en écoute pas mal de l'ASMR. Surtout sur les bruits de bouche. Ah ouais, je le sais, ça, Jonathan. Ouais, j'adore, vraiment. Non, sérieusement. Mais pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, moi c'est par période clairement que j'en écoute, mais pour rebondir sur ce que tu as dit, j'ai des déclencheurs très spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui vraiment m'irritent au plus haut point, du style bruit de bouche, je supporte pas. Par contre, je suis extrêmement relaxé et ça me fait un vrai effet, comme tu me décrivais, tout ce qui est tourner des pages, donc page turning, c'est des trucs où clairement, moi ça me met dans un état un peu, pas hypnotique, mais un peu dans ce style-là vraiment où je suis en transe. Et enfin, bien sûr, quand je suis dans un état posé, etc. Mais du coup, je pense que c'est bien de vraiment distinguer l'ASMR en tant qu'effet de toute la vision qu'on en a, c'est-à-dire les bruits de bouche, ceux qui font des vidéos à déguster des hamburgers et tout. Parce que je pense qu'on peut tous avoir des déclencheurs, ça peut être des trucs comme toi, tu parlais des bruits blancs, mais ça peut être. Moi, c'est les bruits des pages, mais ça peut être n'importe quoi. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que sur Internet, tu peux tout trouver, en fait. Et que, comme tu dis, il y a plein d'ASMR artistes, ils s'appellent comme ça, du coup, qui tentent plein de bruits différents, plein de choses différentes. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs super cool à découvrir. Et je pense que ça mériterait de se dégager un peu de l'a priori qu'on en a. Je pense que c'est vachement en France aussi que c'est mal abordé, hein, parce que c'est rare de trouver... Moi, j'ai galéré à trouver des articles qui l'abordent de manière un peu... Justement, un peu fouillé, quoi. C'est beaucoup, beaucoup superficiel. Enfin, c'est dommage, mais je te rejoins sur le fait que beaucoup de vidéastes ASMR disent que les gens qui sont pas sensibles, c'est juste des gens qui ont pas encore trouvé leur déclencheur favori, quoi. En fait. Donc voilà, bah, il y aura au moins quelques indéfenseurs de l'ASMR. Mais moi, je ressens pas forcément cette espèce de truc de frisson là. Mais par contre, je regarde, enfin ça m'est arrivé de regarder des vidéos vraiment pour m'endormir et ça marche vraiment très bien. C'est-à-dire que je me suis déjà endormie devant mon ordi parce que ça me, comme tu disais, ça m'hypnotise presque quoi. Certaines chaînes en fait, il y a certaines personnes que je trouve vraiment douées quoi. Ok. Mais Jonathan disait qu'il n'y a qu'un défenseur. Moi, je pense aussi que, en fait, faut juste trouver le truc qui te plaît là-dedans. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut justement avoir ce côté relaxant, très intéressant. Moi, je suis plutôt ok avec ça. En fait, moi, ça me dérange absolument pas. Enfin, tu vois, il y a des gens, t'as l'impression que rien que le fait que l'ASMR existe, ils se sentent irrités. De ouf, c'est genre, oh mon dieu, cette chose existe. Je dois être chevalier de la défense du bruit qui relaxe pas. Exactement. Mais non, je pense que c'est vachement intéressant et c'est vrai que d'ailleurs, enfin, on va peut-être finir notre tour de table là-dessus, mais ça me donne envie de poser une question après que je vais me garder de côté, je vais la noter parce que voilà. Mais du coup, Chloé, toi, l'ASMR, tu avais l'air complètement extérieur à ça, tu te connais pas ? Alors partez du principe que chaque fois que vous parlez d'un truc, je suis contre. J'ai l'impression que depuis le début de la vidéo, c'est comme ça. Non, en fait, l'ASMR, moi, c'est un truc... Alors déjà, je n'en écoute pas, donc je ne sais pas si j'ai des déclencheurs, comme vous disiez, ou quoi. Parce que en fait, d'être dans un environnement bruyant, de par l'open space, de par le tram, de par l'appartement en ville où t'entends toujours les voitures, j'ai extrêmement besoin de silence. Et autant, j'ai cru comprendre que vous endormir sans bruit, c'est compliqué. Moi, m'endormir avec du bruit, c'est impossible. Alors, attends, parce que moi c'est juste que je ne peux pas m'endormir sans bruit, étant donné que je n'ai pas de silence. Je ne connais pas le silence. Donc, c'est juste un truc pour masquer le bruit désagréable, en fait, en général. Oui. Après, tu parlais des acouphènes. J'en ai aussi, et c'est peut-être pour ça que la ASMR, ça me... Enfin, les clichés ASMR que j'ai écoutés me crispait au plus haut point, voilà. Mais après, si, j'en avais regardé un avec ma sœur sur... parce qu'on rigolait avec le chat qui ronronnait ou qui mangeait de la vache qui rit. Et ça existe, en fait. Voilà, il y a des vidéos ASMR où t'as ton chat qui... Enfin, un chat qui mange... donc t'entends comme ça. Enfin, voilà. Je vais pas en faire ici. En fait les bruits de bouche ne te dérangent, mais les bruits de bouche de chat ne te dérangent absolument pas, c'est ça? Ah, mais si, ça me dérangeait. On l'a écouté 30 secondes, on a pété un câble avec ma sœur. On était là, oh non, mais on préfère le ronronnement. Donc on a essayé l'ASMR ronronnement, mais pas du tout non plus. Donc, écoute. Après, peut-être que j'ai un déclencheur. En tout cas, peut-être que je ne le cherche pas, puisque le silence... me convient malgré le bruit du frigo en continu qui me crispe d'ailleurs, que j'hésite à débrancher tous les soirs. Mais c'est pas bonne idée. J'ai l'impression de toujours être contre ce soir. Oui, non, mais on sait que de toute façon, par principe, tu es contre tout. Envers et contre tout. Mais... tu seras coupé au montage, t'inquiète pas. Ouais, voilà. En fait, tu n'existeras juste plus dans le montage final, tout simplement. Oui, bah parce que vous serez contre moi, mais vous aurez entièrement raison. Non, mais j'ai des milliers d'autres passions, je vous promets. Non, mais on en parlera. De tes passions. De vos passions avec Jonathan, d'ailleurs. Corentin, la ASMR, toi? Bah, j'ai testé plusieurs trucs. Et ça m'a jamais rien fait. Cosmophobia, ça marche bien pour l'ASMR. Mais par contre, j'ai trouvé récemment un gars qui fait des discours en version ASMR. Genre, il a fait le truc de Jean-Marie Bigard, là, ultra, où il s'énerve et tout, les décideurs, machin et tout. Et il l'a refait en version ASMR et je trouve ça génial. Il n'y avait pas eu. Non, mais j'allais dire, ouais, c'est le compte qui s'appelle ASMR Politics, qui est très très drôle. C'est vrai que j'avais vu celui sur Mélenchon, oui. C'est moi la République. Ouais, moi aussi, ouais. On l'a diffusé dans notre émission, je trouve. Et du coup, la fameuse question que je voulais vous poser, c'est... alors, Chloé, c'est une question qui ne s'adresse pas à toi, je suis désolé, du coup. Pas de souci. Mais est-ce que, déjà, pour Corentin et Jonathan, je ne sais pas, mais du coup, qu'est-ce que vous écoutez pour vous endormir? Parce que c'est intéressant, ça. Ça peut être une reco sympa. Si vous écoutez des choses pour vous endormir. Bah écoute, moi pour le coup, l'ASMR, je m'endors pas avec. C'est-à-dire que quand j'en écoute, c'est vraiment pour me relaxer. Enfin, c'est vraiment pour ressentir cet effet-là. Et dont parlait tout à l'heure Fanny. Et pas vraiment avoir le côté. Comment dire, m'endormir. Enfin, ça marche pas sur moi. Moi, je suis un peu comme Chloé pour ça. C'est-à-dire qu'il me faut vraiment le calme total pour m'endormir. Du coup, j'ai un peu ce paradoxe où j'aime les bruits qui me relaxent, mais en même temps, ça me relaxe pas au point de m'endormir. Du coup, Du coup, non, plutôt team silence. D'accord. Fanny? Ouais, ben moi, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt sur du bruit blanc. Donc, ouais. L'été, ben j'aime beaucoup mon ventilateur. qui fait un bruit... voilà. Ouais. Quelle chance, du coup. Ouais, bah oui, oui. Non, mais ce qui est drôle, c'est ça, pour le coup, je suis pas la seule, parce que du coup, enfin, il y a des gens effectivement qui détestent ça, que ça empêche de dormir, mais j'en ai rencontré pas mal qui au final aiment bien aussi se ronronner. Bah, après, ça dépend. J'ai envie de dire, ça dépend du ventilateur. mais si ça fait un bruit un peu régulier et assez grave en termes de fréquence, ça peut m'apaiser, quoi. Et du coup, ben l'hiver. L'hiver, j'ai un petit générateur sur mon smartphone que des fois je mets, alors pas tout le temps, ça dépend des périodes, mais s'il y a des périodes où je suis un peu tendue, un peu stressée, parfois, ouais, pendant une semaine, je vais m'endormir tous les soirs. En fait, je le mets, je mets une heure de délai, et donc le truc marche pendant une heure, et après il s'arrête, quoi. Voilà. Ok. Et toi, Corentin, tu t'endors avec quelque chose ou pas du tout? Avec lui. Bah, en fait, il parle de son chat, hein, parce que les gens voient pas. Donc. En fait, ouais, je peux m'endormir même sans bruit, mais je mets des grosses guillemets là-dessus, parce qu'en réalité, j'entends toujours quelque chose, que ce soit le frigo qui tourne dans la cuisine, que ce soit les voitures qui passent dans la rue. Je suis même pas près de la rue ou quoi, tu vois, mais même l'air ou quoi, je l'entends. Il y a toujours un bruit quelque part, il y a un plancher qui craque, des portes qui se claquent, un truc qui vole dans ma chambre. Non, c'est une connerie. Mais des fois, par contre, je me fais des petits kiffs. Du style, bah, pendant un temps, je me mettais du gros métal bien lourd pour m'endormir. Ça marche. Logique. Non, mais c'est ça. Ou alors des trucs, tu sais, des sons de nature. Qu'est-ce que j'ai fait aussi des opéras. Enfin, entre les sons de nature et le gros métal bien lourd, il y a quand même. Il y a une marche, ouais. Bien léger. Et moi, ces derniers temps, bah, c'est des VOD de youtubeurs qui jouent à plusieurs sur des jeux et qui discutent en même temps. Genre, t'écoutes et tu regardes pas? Ouais, je mets sur mon téléphone, je mets vraiment, vraiment pas fort, juste pour comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Et tu t'imagines les gars jouent? Ouais, ça, je le fais souvent, en fait. C'est ça qui m'aide à m'endormir. D'accord. C'est d'imaginer une situation. Et en fait, généralement, quand je rêve derrière, je me retrouve dans la situation que j'étais en train d'imaginer. Et après, le matin, je me rappelle. Et des fois, il y a des trucs bizarres. Ok. Du coup, moi, j'avais des trucs aussi pour m'endormir. Ce que j'utilise beaucoup, c'est les musiques de Jérémy Soule. Le compositeur qui a fait les musiques notamment des Elder Scrolls, alors qui est très très talentueux, mais qui apparemment a eu quelques petits problèmes au moment de l'affaire MeToo, donc je vais parler de l'artiste et non de la personne, hein, évidemment. en tout cas, les musiques sont vraiment super cool, et plutôt que les musiques de Skyrim, c'était plutôt les musiques d'Oblivion qui sont pour moi beaucoup plus agréables, donc deux jeux mythiques. Oblivion, qui est maintenant sorti en 2006 ou 2007, donc qui est assez vieux, et c'est les musiques, en fait, sont assez féeriques, enfin elles sont beaucoup plus positives que les musiques de Skyrim, qui sont très belles aussi, mais il y a un petit côté un peu plus naïf et un peu plus lumineux, on va dire, sur ses musiques. Et aussi ultime ASMR, c'est pas vraiment de l'ASMR, mais on en avait déjà parlé, mais Alt 236. Ah oui, oui. La voix de ce mec est soporifique as fuck. C'est, bah, c'est un peu comme Axolot quand même. Lui oui, aussi, mais c'est niveau... pire. C'est encore mieux. Enfin, ouais. C'est encore mieux qu'Axolot, quoi. Et Alt 236, c'est vraiment. En plus, il fait des vidéos de 40 minutes, donc c'est nickel. Voire 1h45. Donc, forcément. On va parler de lui à chaque podcast, en fait. Exactement. À chaque fois que t'es là, oui, en effet. Mais, ouais. Mais par contre, je trouve ça cool que tu relèves un point. On en a un peu pas. Après, on va terminer avec l'ASMR, mais l'ASMR aussi non volontaire, je trouve que c'est plutôt cool, tu vois. On parlait tout à l'heure des vidéos satisfaisantes, mais ça arrive souvent même que. Enfin, je sais pas, dans la vie de tous les jours. Moi, je sais que très jeune, j'ai ressenti comme ça de l'ASMR, une fois que j'ai compris ce que c'était, mais de manière quotidienne, tu vois. J'ai souvenir que même au primaire, tu vois, le simple fait que. Des bruits tout con, tu vois, du style. Je sais pas moi, de gratter sur un livre. Enfin, c'est très bizarre, dit quoi, ça. Mais gratter ce genre de choses, tu vois. Sur un livre, je disais. Enfin, des choses comme ça, tu vois. Enfin, après, je sais pas, du coup, est-ce que. Je sais pas s'il y a des gens qui sont plus sensibles ou si tout le monde ressent des choses comme ça pour des sons différents. Mais du coup, c'est plutôt cool. Moi, j'ai un truc. J'ai un truc vraiment. C'est. Enfin, j'avais un truc aussi à l'école. Un son que j'adorais, qui me donnait envie d'écrire à fond. C'était. En fait, c'était le bruit du stylo plume sur la feuille. Mais quand il y avait. Tu sais, genre. Sur un classeur où il y avait un peu de résonance. C'est assez spécifique, hein, je suis désolé. Mais le bruit d'écrire sur une feuille de papier. Sur un truc qui résonne un petit peu, je trouvais ça divin. Vraiment, c'était incroyable. Et du coup, j'avais tendance à vouloir écrire beaucoup, sauf que en général, j'écrivais pas très vite. Et puis, voilà. Enfin, ça m'a posé pas mal de problèmes, mais bref, peu importe. Est-ce que tu veux en parler, Victor ? Non, mais je faisais partie de ces élèves qui passaient la récré à finir d'écrire le cours, parce que j'écrivais lentement. Et du coup, quand t'as envie d'écrire plus que prévu, alors que t'as déjà pas le temps d'écrire ce que tu veux, forcément, ce que tu dois faire. T'as pas le temps de finir ce que tu dois faire, ben c'est toujours un peu problématique. Mais bon. Tu nous donnes envie de verser notre petite larme. Ouais, je sais, c'est l'instant émotion. Séquence émotion. Mais en tout cas, tout ce que vous dites là sur ces bruits-là, c'est typiquement ce qu'on appelle des déclencheurs ASMR. Et le terme ASMR, il a été inventé, je crois, genre en 2010. Mais en fait, moi c'est pareil, j'ai... La première fois que j'ai éprouvé ce truc-là sur de la vidéo, c'était genre en regardant un tuto maquillage, enfin un truc que je fais jamais en plus, mais une fois j'ai regardé un tuto maquillage et à un moment donné, j'écoutais plus le contenu de la vidéo, j'étais hypnotisée par la voix de la nana et des gestes qu'elle faisait, enfin il y avait un truc hyper hypnotique et hypnotisant, et c'est vraiment ça en fait, Et il y a dans la communauté ASMR, il y a des rubriques qui s'appellent Unintentional ASMR, c'est-à-dire des vidéos. Il y a des espèces de mecs comme ça qui sont des stars de l'ASMR malgré eux. Il y a un peintre, il y a un gars qui fait de l'aquarelle, qui se filme en train de faire des aquarelles ultra moches. Et le mec est devenu une star de YouTube, dans la communauté ASMR, parce que ses vidéos sont visuellement et au niveau des bruits satisfaisantes. Donc c'est assez marrant, quoi. Tu vois, nous aussi, Jonathan, on a notre chance avec Twitch. Oui. Ouais, non, mais c'est la magie des internets, quoi. C'est une sorte de Bob Ross 2.0. Ouais, non, mais c'est... Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est vachement intéressant. Mais tu vois, comme quoi, au final, ça nous aura tenu un moment, l'ASMR. Il y a plein de... finalement. Tu vois, c'est un sujet très intéressant, en fait. T'en doutais. Non, mais non, c'est pas ça. Mais en fait, on a plein de choses à dire dessus, même si on n'a pas l'impression d'avoir plein de choses à dire dessus. Ça qui est cool. Mais ouais. Je voulais savoir si, du coup, vos projets pour 2021, vous aviez des trucs où vous avez genre un film que vous attendez à fond, un jeu que vous attendez à fond, une série que vous attendez à fond. Non, mais c'est difficile parce que comme tout est incertain, enfin moi je le vis comme ça. Tu sais tellement pas de quoi va être fait le mois prochain. enfin que moi personnellement en tout cas, je n'ai pas, je n'arrive plus à me projeter. À me dire, bon, bah, dans un an, j'aurais fait ça. À part sur Twitch, hein, tu vois, mais... non, non, non, mais plus sérieusement... Bah si, ça, c'est un projet, c'est quand même, que vous avez avec Jonathan. Oui, mais c'est un projet, enfin, c'est un loisir, tu vois. C'est se faire des trucs, voilà, hors du commun, mais pas non plus en ayant un objectif de 2 millions d'abonnés d'ici le 31 décembre 2020. Et pourquoi pas? Parle pour toi, non. Non, mais, non c'est, mais c'est quand même quelque chose que si je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, tu aurais peut-être pas pensé. C'est vrai. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui te dit justement vis-à-vis de cette incertitude concernant l'avenir, tu te dis c'est peut-être un truc qui te où tu te dis bah au moins je fais quelque chose. Malgré l'incertitude qui plane, je me permets de faire des choses que j'aurais pas forcément fait. Oui, après ça reste surtout beaucoup de virtuel quand même, tu vois. Et bon, le virtuel, là, bah, tu vois, on est en visio. Pareil pour le travail, c'est de la visio. Tout se fait en visio ou de loin avec Uber pour commander, enfin Uber Eats pour commander ton plat. C'est-à-dire tu peux plus te projeter dans le réel. Enfin, moi, j'ai ce ressenti-là du fait que je ne peux plus me projeter dans du réel, me dire bah le week-end prochain je vais voir un pote à Paris, ce genre de choses. Enfin, je le ressens comme ça. Après, je sais pas si vous avez le même. Bah après, malgré tout, si on reste dans le virtuel, il y a toujours plein de choses. Il y a plein de choses qui sont cool par rapport à ça. Je vois bah justement l'envie de jouer ensemble sur des jeux multijoueurs malgré la distance, tout ça. Je pense à Fanny qui parlait notamment de ses élèves où bah, grâce au fait qu'il y ait cette distance qui se soit installée, ben, certains de ses élèves se sont révélés alors que dans un environnement physique, ils n'auraient pas forcément le courage de le faire, peut-être. Je pense que... Oui. Non, j'allais dire quand même que ça concernait un tout petit pourcentage de jeunes et que la réalité, quand même, c'est qu'en tout cas, sur le lycée pro, on a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves, en fait, sur cette période. Et qu'en réalité, on s'est quand même rendu compte que le réel, c'était quand même pas mal, quoi. Donc, à moduler, c'est-à-dire qu'il y a des choses à garder, en fait, c'est sûr, dans l'utilisation du virtuel dans l'éducation nationale. Mais après, moi, je rejoins un peu Chloé sur le fait que ça quand même commence à saturer un peu du virtuel. Et notamment, je me suis un peu... découvert accro un peu aux réseaux sociaux là, au moment du premier confinement, et on le disait aussi avec des collègues justement par rapport aux jeunes, les ados aujourd'hui, tu vas dans une cour de lycée, à la récré, ils sont tous par paquet de 10 assis par terre sur leur téléphone, et alors ça veut pas dire qu'il n'y a plus d'interaction réelle entre eux, mais quand même, et on s'est rendu compte qu'au retour, là, en début d'année scolaire, on a l'impression que c'était pire, quoi. C'est-à-dire qu'on est tout le temps plongé. Et moi, la première, et moi qui suis pourtant au départ pas trop accro à ça, j'ai vraiment l'impression, à cause du confinement, de m'être vraiment mise à ça. Et ça me fait quand même un peu chier, parce que je crois que biologiquement, c'est prouvé, quoi, que d'avoir des interactions réelles, ça fait du bien au cerveau, quoi. Donc, voilà. Source. Mais je crois qu'il y a un truc quand même qui fait que quand même c'est bien d'avoir des interactions. Oui non mais sécrètes des endorphines en fait quand tu t'approches des gens, avec les gens que tu te sens bien, avec lesquels tu te sens bien sûr, hein, si t'es avec ton pire ennemi forcément ça va pas être la même, mais enfin ou alors si tu sécrètes des endorphines c'est un autre penchant mais que nous n'aborderons pas ici. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas? Allez-y, si vous voulez, moi je dis plus rien. Moi je suis contre. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Après, je sais pas, alors c'est peut-être mon tempérament, mais j'ai pas l'impression de mal vivre cet isolement forcé. Peut-être aussi parce que dans le cadre de mon boulot, je suis amené à côtoyer beaucoup de public. Et parfois du public que j'ai pas franchement envie de côtoyer et qui me donne plus envie de retourner dans ma grotte. Mais Mais je sais pas, c'est aussi mon tempérament un petit peu ermite de base qui fait que voilà, mais je sais pas, c'est un peu difficile. Le truc, en vrai, parlons franchement, le truc le plus dur dans le confinement, c'est quand même les réunions en visio avec le collègue qui a son gamin qui crie derrière et puis machin qui arrive en retard ou le mec qui coupe pas son micro et ça fait durer la scène enfin c'est infernal. Moi, ça me fait penser que j'ai eu une expérience rigolote avec ça. J'ai fait comment dire, une sorte de réunion avec des inspectrices et des collègues là pour créer des sujets d'examen, donc un truc avec quand même assez de pression. Et bref, ma collègue et moi, on a eu chacune une inspectrice au téléphone, enfin bref, pendant une période. Et à un moment donné, on se retrouve devant l'ordinateur et la collègue, là, elle tombe en larmes, elle me dit non, mais j'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit, elle me parle comme un chien, machin. Enfin, elle tombe en larmes et voilà, elle lâche tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et là, il y a son téléphone qui sonne. Et en fait, on voit la nana en webcam avec son téléphone qui dit Madame, coupez votre micro, s'il vous plaît, on vous entend en fait, on vous entend. Coup Et donc, voilà, un grand moment de solitude. Voilà. Oh, ça aurait pu être pire, elle aurait pu l'insulter ou des trucs comme ça, tu vois. Bah, elle l'a pas insulté, mais enfin, ouais, elle me parle comme un chien, Ouais, mais pour qui ils se prennent ces gens? Enfin, bref. Bon, je sais pas si elle a tout entendu, mais en tout cas, ce sont les aléas quand même de la visio. Ben, nous, on a eu un cas un peu similaire en Belgique, du coup, niveau étudiant. Il y a eu à l'ULB, donc à Bruxelles, un prof en fait qui a lâché à la fin d'un cours. Il pensait avoir coupé son micro, il a lâché. Ceux-là, je vais leur préparer un examen de pute. Et sauf qu'il n'avait pas coupé le micro. Et alors, forcément, tous les syndicats d'étudiants sont montés au créneau. Et il a pris, il a, et donc l'ULB a dû s'exprimer, le recteur a dû prendre position pour dire qu'il était désolé et tout. Mais ça fait une grosse affaire en Belgique. Ça a vraiment beaucoup tourné. Mais bon, faites attention, coupez vos micros, quoi, surtout les profs. Ouais, non, mais c'est les aléas du truc, ouais, c'est la risque. Oh là là. Moi, ça permet de révéler quand même des choses que tu n'aurais pas pu voir en direct, en fait, hein. Donc, Après, au final, tu peux voir dans tous les l'éducation vices. nationale, déjà, ça existe parfois avec les mails, tu sais, parce qu'on a Ouais. des buses un peu, nous, dans l'éducation nationale. Et les gens, tu sais, qui transfèrent les mails, en fait, t'envoies un mail à un collègue en lui disant, en crachant sur quelqu'un d'autre, puis le truc est transféré, transféré, retransféré, et finalement, ça arrive à la personne sur laquelle tu étais en train de cracher. Avec tout le Et fil de ça, discussion. avec tout le fil de discussion à l'intérieur, bah ouais, bien sûr. Le fameux. Du coup, il y a personne qui attend quoi que ce soit en 2021, quoi. Il y a que moi qui vais sortir mes trucs. C'est ça? Est-ce que tu vas parler de musique, Victor? Oh non! Non. Si, il en a un peu parlé tout à l'heure. Il en a un peu parlé, j'ai dit oh non, Oui, c'est mais ça va. reparti. Non, après, niveau attente, moi pour le coup, je rejoins un peu les autres. C'est un peu compliqué de se projeter. Maintenant, moi je te rejoins dans le sens où je suis un peu un ermite aussi et je vis pas forcément très très mal la situation. Par contre, j'ai tendance à augmenter mon taux d'ermite, c'est-à-dire que maintenant, dès que je rencontre quelqu'un, c'est max une heure et ensuite il me faut une semaine pour récupérer, tu vois. Donc, c'est sûr que ça va pas aller en s'améliorant, mais. Attends, la prochaine fois que tu devras aller en cours, mec, tu vas mourir. Ah ouais, non, mais du coup, je sais pas. Non, après, moi, je l'ai plutôt bien vécu, mais bon, faut avoir conscience que c'est pour la majorité, c'est pas le cas, donc. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Oui, Chloé? Est-ce que tu penses pas qu'il y a un seuil de tolérance de cette solitude en quelque sorte? Est-ce que tu penses pas qu'on a tous voilà, alors pour vous avec Victor ça va très bien. Enfin, pour le moment ça va plutôt bien. Mais est-ce que dans 6 mois ce serait avec un est-ce que ce serait toujours comme ça? Je sais pas. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un seuil Bah après, c'est-à-dire que j'ai quand même des interactions sociales. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai vu un ami il y a une semaine et je vois encore des amis quelques fois par mois. Maintenant, c'est bien plus réduit qu'avant. Et moi, c'est un rythme qui me convient beaucoup plus parce que être avec des gens en réel, parler avec des gens, ne serait-ce qu'être là, même sans parler, ça me demande beaucoup d'énergie. Et ça m'épuise énormément. Et du coup, là, je suis dans un rythme où je sais que quand je vais voir la personne, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, j'ai vraiment envie de la voir. Je vais tout donner pendant une soirée et après je suis claqué pendant 2 semaines, tu vois. Mais je sais que j'ai un envie. Alors pour moi, je me sens honnêtement sur certains aspects beaucoup mieux qu'avant, tu vois, parce que je me respecte plus, on va dire, mon rythme personnel. Après, bien sûr que je peux pas passer 8 mois tout seul dans une grotte non plus, c'est pas l'idée. On a tous besoin d'avoir des interactions, c'est normal. Mais pour autant, tu as commencé la spéléologie. Voilà, donc il y a quand même une... Il y a quand même un lien, ouais. Non, mais après... Enfin, je sais pas. Après, je sais que pour beaucoup de personnes, c'était compliqué de se retrouver tout seul, mais j'ai aussi des contacts qui avaient peur de ce côté-là et qui ont appris, entre guillemets, à des fois s'ennuyer, à ne rien faire, être tout seul. Et là, je suis encore dans le côté de trouver le côté positif, et c'est pas forcément la solution non plus, mais voilà, c'était juste pour dire que j'étais aussi un ermite, Victor, donc ne t'en pas. Yes. Ouais, je sais pas si c'est une question d'être des ermites, mais en tout cas, après, c'est des caractères introvertis, c'est-à-dire que quand... C'est ça, quand t'es introverti, c'est que les interactions sociales te fatiguent un peu, et pour les extravertis, c'est l'inverse, ça les gonfle. Alors après, il y a des gens, qui sont du genre hyperactifs, avec sans arrêt des interactions sociales, eux, en ce moment, ils morflent. Ils morflent, ouais. Moi, je suis à la frontière des deux, un peu, parce que j'ai toujours été assez solitaire aussi, de base, mais par contre, moi, là, ce qui me manque vraiment, c'est de juste pouvoir aller boire une bière le week-end, ou une fois dans la semaine, parce que, en fait, le rythme, je vais au travail, je rentre du travail, je mange, je me couche. C'est pour ça que Déviation est là. Ouais, mais c'est vrai, que c'est ça, en fait, ça fait du bien, là, d'avoir un échange comme ça. C'est juste ça, en fait, de pouvoir échanger et voilà, parler d'autre chose que du taf et de la crise actuelle, quoi. Mm-hmm. C'est clair. Ton ressenti, Corentin, c'est vrai que tu nous en as pas parlé. Du confinement. Bah c'est ça. Comment tu vis cet isolement forcé? Alors tu disais que t'étais vachement sur ton boulot, donc peut-être que ça t'a occupé pas mal d'esprit aussi. Bah c'est ça, c'est que en fait j'ai pas vraiment été confiné pour le premier confinement parce que j'étais au Québec. Et comme je travaillais sur des organismes vivants, j'étais forcé d'être là tous les jours, 7 jours sur 7, 12 heures par jour au labo. Et j'avais un stagiaire avec moi. Donc, certes, ça changeait du 5 à 7 fois par semaine, je finis ma journée au bar. Voilà. L'alcoolisme, c'est fluo. Ouais, non, bah oui, c'était difficile. Début, mais bon, j'ai discuté avec des ours et on a fait la demi, c'était cool. Mais ouais, non, en fait, le premier confinement, je l'ai pas trop senti passer, mais je me suis rendu compte que c'était difficile pour les autres qui, eux, pouvaient pas sortir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité, en fait, du fait que moi, j'étais apte à sortir comme je voulais. Et du coup, tous les soirs, bah, plutôt que d'aller au bar, j'allais dans les bois et j'allais ramasser des champignons. Et des petites plantes, des petites herbes, etc., que je trouvais qui étaient, que j'apprenais à connaître, qui étaient comestibles, ce genre de choses. J'avais pêché, j'en ai du poisson, mais pas chassé. J'ai pas eu l'occasion. Genre, on aurait pu, mais j'ai pas eu l'occasion. Puis après, bah, avec tout ça, j'allais voir mes collègues qui habitaient pas trop loin. Je rappelle que j'étais à pied. et je toquais à leur porte, un par un. Et puis je restais avec eux, on papotait, et puis on grignotait des trucs, on découvrait des trucs, on disait ouais, comment ça va aujourd'hui, machin, alors ça avance ton taf, comment ça se passe toi, ouais, t'en as encore à faire ton troisième test de la semaine. Mais du coup, ça les a pas mal aidés, en vrai. Ils me l'ont dit après, ouais, bah je suis content que t'aies pu être là et que t'aies pu nous visiter. Puis ensuite, je suis rentré en France, et là, c'était pas la même. Même sans être confiné, j'ai eu beaucoup de mal à voir les potes. Jonathan était témoin. Pour le coup, on a essayé de se voir et tout, mais ça a été très compliqué. Moi, j'ai déménagé plein de fois. J'ai dû déménager 7 ou 9 fois dans l'année. Donc, c'était compliqué aussi. Et maintenant que je suis à Paris, je suis dans une des plus grandes villes du monde et je ne vois personne à part mon chat. Puis après, bon, je bosse quand même sur une plateforme logistique, mais c'est pareil, il n'y a plus personne qui y bosse, en fait. On est en train de déménager la boîte et je bosse avec Nintendo, donc c'est super cool, mais on est deux. Et du coup, tu peux avoir des trucs de chez Nintendo? Alors, si je vous dis ce que je suis en train de faire là, vous pleuriez. Vraiment, vous pleuriez. Ok. Tu nous diras. Ouais. tout le truc marketing, tous les trucs de l'événementiel, etc. Parce que tu sais, Japan Expo, Paris Games Week, machin, tout ça, ça a sauté. Ça va sauter cette année aussi. Donc tous les trucs promotionnels qu'ils avaient, bah, ça part à la benne. Oh là donc, là là là. Parce qu'il ne faut pas que ce soit récupéré et revendu par des gens parce que c'est sous licence. Donc en fait, je casse des énormes panneaux magnifiques avec Zelda, Link, Deka, Mario, machin. Je casse des t-shirts, je casse même des jeux. Et ça, ça m'a grave fait chier, mais c'est des jeux qui apparemment ne se vendent pas, donc il ne faut pas les filer aux assos. Ils en ont déjà plein, blablabla. Des bibliothèques, putain. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais ouais. Il y en a plein, en fait, qui sont déjà partis. Et je me suis largement servi là-dedans. Enfin, pas pour moi personnellement, tu vois, mais en fait, ils m'ont demandé de traiter leur grenier parce qu'ils déménagent aussi. Et du coup, j'ai eu dans les mains toutes les consoles qu'ils ont sorties, tous les jeux qui sont sortis dans tous les pays, donc les versions américaines, japonaises, françaises, etc., européennes. Et tout trier, tout reclasser, tout faire l'inventaire. Et en fait, de faire un truc de chaque pour que Nintendo garde en archive. Et tout ce qu'ils avaient en double, en machin, etc. Là, par contre, c'était des palettes pour les assos. Donc, ça partait directement pour les assos. Mais on a eu des surplus comme ça, là, de certains trucs de Switch qui n'ont pas marché. C'était les Nintendo Labs, là. Ça s'est très mal vendu. Et en fait, ils en ont filé déjà plein aux assos qui ne savent pas trop quoi en foutre. Et au final, bah, là, j'ai reçu quelques 3-4 cartons, une douzaine de trucs... partent malheureusement à la poubelle après avoir été détruit. Ok. Yes, super, ça donne foi en l'humanité tout ça. Hein, c'est clair. Et Chloé, toi, la solitude, tu la vis comment ? Moi, c'est assez difficile. Hein. J'avoue que on part sur une séance de psy, donc. Attends, je vais chercher ma carte vitale. Non, c'est pas remboursé, non, c'est assez. Psychologue. C'est assez difficile en fait. Oui, oui, c'est vrai. Attends, je prends la carte mutuelle alors. J'ai eu espoir, ça aussi, peut-être qu'un jour ça changera quand on verra un rebond malheureusement de maladies psychiatriques post. Enfin. Bah, c'est un peu le cas en ce moment. Non je crois qu'on l'observe déjà. Ouais, père Covid en fait, mes excuses. Il y a une certaine tendance qui pourrait peut-être s'observer dans les semaines, mois à venir. Ouais, c'est ça. Donc, bon. Non, c'est assez difficile comme voilà, initialement en fait, j'avais fait un diplôme d'infirmière, donc enfin tu fais jamais ça par hasard non plus, c'est que tu as quand même un côté social là-dedans voilà d'avoir un contact avec des gens au quotidien, donc enfin plus ou moins accepté hein, comme disait je crois Fanny tout à l'heure plus ou moins toléré mais ouais, c'est assez difficile parce que ben là, c'est du télétravail, ou alors on voit juste les collègues, de temps en temps les amis, parce que les amis aussi font attention voilà, pour éviter de continuer de propager le virus, tout ça, tout ça. Donc c'est assez compliqué, mais voilà, après ça permet de découvrir d'autres choses, c'est-à-dire que sans ça, je pense que tu vois, Déviation, je n'aurais jamais connu, ou Twitch, j'aurais jamais pu regarder non plus. Ou découvrir des chaînes, voilà, bon, une ou deux sur YouTube ou d'autres séries. Donc, au final, c'est un équilibre. Mais il va falloir qu'il se rétablisse quand même assez vite, même si, bon, pour 2021, je vous avoue que ça va pas être résolu comme ça. Je pense qu'il faut plutôt se projeter à 2022. Voilà, voilà. Ouais, je trouve que c'est ça, moi, qui fait peur. C'est plus de se dire... parce que depuis le début, on est l'arrêt, l'ancien monde, le monde d'après, machin. Mais en fait, enfin... On en discutait avec des amis là, le week-end dernier. On se disait, mais est-ce qu'à vraiment, à un moment donné, on va retrouver le monde d'avant ? C'est-à-dire, est-ce que... est-ce que tu t'imagines reprendre les transports ? Enfin, je sais pas, tu prends les transports en commun pour aller travailler ou te promener ou je prends le train. Ouais, voilà. Est-ce que tu t'imagines maintenant, là, dans le train, de voir les gens sans masque ? Moi, ça me fait câbler, en fait. De m'imaginer ça, je me dis « Ah !» Donc, enfin, je sais pas si on va... Enfin... Ce qui est drôle, c'est à quel point on s'est adapté vite. Moi, je me souviens, je sais pas vous, mais je me souviens de la première fois où j'ai vu quelqu'un avec un masque dans un supermarché. C'était vraiment au tout début voilà, du Covid, avant que ce soit obligatoire, hein, vraiment. Et juste où il y avait une recommandation, voilà, on nous disait, si vous avez un petit rhume, portez un masque. Et donc, je suis allée faire mes courses au Leclerc. Voilà. Et j'ai vu une dame passer avec son masque, et ça m'avait vraiment horrifiée. Je m'étais dit, ah mon Dieu, la pestiférée, elle doit être malade, c'est terrible. Et je m'étais dit, putain, ça va être compliqué, quoi, si on doit tous porter ça. Et en fait, ben voilà, 6 mois après, c'est devenu banal, quoi. Donc, un accessoire de mode. Après, moi, ça continue de me déranger, hein. C'est-à-dire que je le supporte pas trop physiquement, mais après, je veux dire, sur les autres, je me suis habituée à le voir, quoi. Et d'ailleurs, fait intéressant, je sais pas si c'est vous, ça vous l'a fait, c'est-à-dire que maintenant, on rencontre des gens qu'on n'a jamais vus, il arrive, avec le masque. Donc, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le bas de leur visage. Et est-ce que ça vous l'a fait aussi, au moment où il l'enlève, d'avoir une désillusion complète de ce que vous aviez imaginé sous le masque? Enfin, je sais pas si ça vous est arrivé ou pas. Bah si. C'est le fameux masque de Kakashi. Hein. Exactement. Pour rebondir sur ce que tu disais, Fanny, figure-toi que ça a changé depuis un an, notre vision des choses a changé depuis un an, mais depuis un an, on a toujours des gens, nous, qui viennent nous voir en nous disant « Le Covid, vous y croyez ?» Yes. Et t'es là genre ou des gens t'es obligé de leur dire mettez votre masque correctement et tu leur dis 14 fois et ils veulent pas, ils veulent toujours pas, quoi. Ouais. Et voilà, on en a viré certains en disant que ben voilà, c'était le règlement mais qu'ils le respectaient pas, et il y a des gens qui veulent absolument pas mais pourtant dans un lieu public, tu vois, genre Il y a des gens, là, la semaine dernière, il y a une maman qui est venue. Elle s'étonnait qu'on oblige les gens à mettre du gel à l'entrée d'une bibliothèque. Elle était là, mais comment ça? Mais c'est honteux. Est-ce qu'on commencerait pas l'épisode de la haine, bouquins, des trucs, enfin, je sais pas. Mais voilà, enfin, c'est... Voilà, donc pour ça, voilà, mon côté ermite qui revient très vite, bon... Non, mais on est d'accord qu'il y a des gens qui se sont pas adaptés, mais de manière générale. Et non, par contre, ce que disait Chloé sur le masque, j'ai vu passer un article aussi il y a quelques mois qui parlait du fait que pour certaines personnes, le masque était... salutaire. C'est-à-dire que t'as des gens qui ont par exemple un complexe au niveau de leurs dents ou de leur nez, ou des gens qui ont des problèmes de peau, d'acné, etc., qui disaient qu'en fait, le masque les avait libérés et qu'ils espéraient... ils sont pas nombreux, évidemment, mais qu'ils avaient écrit un truc voilà, en disant qu'ils espéraient qu'on allait continuer à le porter. J'avais trouvé ça assez marrant. Ouais. Ça te permet de pouvoir bâiller en réunion avec ton ouais. boss aussi. Ah, c'est vraiment pas mal. au lycée, c'est un peu compliqué, parce que quand t'entends bavarder, tu sais pas d'où ça vient. C'est vrai ça. Et par rapport au masque aussi, moi j'étais amusée. En fait, je pensais que ça allait être hyper compliqué avec les ados. Je me disais qu'ils allaient jouer avec ça, ne pas le mettre correctement, faire chier. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est plutôt bien accepté par les ados. Et ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire que en lycée pro, nous on a beaucoup de jeunes qui sont là avec la capuche ou la casquette. Avec des écharpes comme ça, et du coup je pense le fait de le masque, le fait de se cacher en fait, ouais. de se camoufler, ça plaît bien aux ados en fait, et ils le portent assez facilement. Mais alors j'ai pas de chiffres, mais par rapport à nous au boulot, où on voit passer quand même une population assez différente, enfin assez hétéroclite, les gens qui posent le plus de problèmes avec le masque, c'est en général la tranche 40 à 55 ouais. ans. Des gens qui pensent tout connaître, tout savoir, et qui étaient en crise de la quarantaine, ou je sais pas, qui veulent se trouver un petit côté rebelle, ou j'en sais rien. Ouais, et pas encore assez vieux pour avoir peur, quoi. Oui, pas voilà. encore c'est dans ça. La tranche d'âge à risque. Quoi. C'est ça. Mais les jeunes, en général, tu vois, on n'a pas eu beaucoup à leur dire. Au début, forcément, tu te dis, oui, il faut bien mettre son masque sur le nez, tout ça. Mais les jeunes, ils posent pas... ils posent pas de problème. Par contre... les autres, c'est des casse-couilles. Enfin, voilà. Bon, après, tu peux pas, tu j'en peux ai pas gros, faire j'en de généralité, quoi. Malheureusement, tu vois, moi, j'en discute... Enfin, là, je vois au taf, Tana, voilà, ils ont 25 ans. Bon, ben, le masque, rien à foutre, quoi. Dans l'open space, on s'en fout. On va manger ensemble à 30 cm les uns des autres. Voilà, quoi. La boîte, c'est un cluster à elle seule, quoi, tu vois. Après, ils sont dans une start-up, donc bon. Ouais, voilà, non, mais c'est peut-être pour ça qu'ils se différencient sur le marché. C'est pas un cluster, c'est un e-cluster. C'est un... Oh, pas mal ça. Oh, toi, tu me plais, toi. On a un concept. On va gagner des millions. On va faire une levée de fonds incroyable. Un petit business plan. C'est ça. Bon. Fermons la parenthèse sur le Covid, on était parti sur d'autres trucs. C'est vrai. Alors, bah, du coup, moi, je vais continuer avec, je vais continuer avec mes trucs parce que moi, j'ai des trucs en 2021 que j'attends. Parce que j'y crois encore. J'y crois encore malgré les moult reports de tout et n'importe quoi. Moi, je crois à plusieurs choses. Je crois au remaster de la trilogie Mass Effect qui doit arriver ce printemps. Quelle surprise! Oui, le remaster que j'attends avec impatience. J'ai un problème avec Mass Effect. Je le dis sans problème. Là autour de moi, là, il y a déjà au moins 6-7 trucs juste dans mon champ de vision qui se rapportent à Mass Effect. Non, j'ai un gros problème avec ce jeu qui m'a totalement retourné et j'aimerais bien voir ce que ça va donner en une version remise un peu au goût du jour. J'ai très hâte. Il y a ça que j'attends beaucoup. J'attends aussi beaucoup la fameuse Snyder Cut de Justice League, juste pour dire que... Enfin, je sais pas si vous avez l'histoire. Il y a en gros Zack Snyder qui a fait un film... Justice League, sauf que il a eu un problème familial, il a dû s'arrêter au milieu, et du coup quelqu'un a repris le flambeau, Joss Whedon, pour refaire le film, et en fait après Zack Snyder est revenu en disant c'est pas du tout la vision que j'avais du film et tout, et là il est en train de monter tout un truc en disant oui, il faut que je refasse ma vraie version du film, une director's cut, tout ça, et du coup il est en train de faire un truc de 4 heures sur Justice League, et en fait moi j'ai juste envie que ça sorte pour que ça bide. Parce que le film était nul à la base et je sais pas comment il va pouvoir faire quelque chose de bien avec ça. Tout le monde l'attend comme le messie et j'ai juste envie de voir les larmes dans les yeux des fans. Vraiment, j'attends ça avec grande impatience. Voilà. Genre on a remonté, je sais pas quoi, Inception à la manière de Quentin Tarantino, des trucs comme ça. oui, c'est ça. Tiens, genre ça va faire. Ça va faire un truc un peu... Enfin, je pense que ça va être un échec complet, déjà. Un film de 4 heures, qui va regarder ça? De 1. Ça me fait mal, ce que tu dis, Victor, tu le sais. tu l'attends? Oui. je vais m'en aller, moi. Non, mais enfin, je sais que ça va se finir dans une bouillie de pixels dégueulasse, tout en numérique, moche, et tout. Même s'il y a des choses bien dans ce film, hein, genre... Mais moi, en fait, je veux juste voir la désillusion des gens. Ah, tu vas la voir, t'inquiète pas, dans mes yeux, tu pourras... l'avoir en live. Non, après, le film de base est tellement moche que je pense pas qu'il puisse faire pire, tu vois. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on en est au stade où vraiment, même s'il met une peluche à la place du méchant, ce sera mieux, tu vois. une peluche, un Kermit et tout. Même avec Renault du clip Coronavirus, ce serait mieux, quoi. En méchant ultime, tu sais. Voilà, c'est vrai, on n'en a pas parlé de ça, de la chanson Coronavirus de Renault. Ça, c'était un beau truc de l'année 2020. C'est vrai. On est quand même face à un chef-d'œuvre, on en a pas parlé. Mais non, voilà. Bah on va pas en parler. Du coup. Ouais, voilà. Non, si on va parler juste de cette scène où il y a Renault à une fenêtre, accoudé à une fenêtre, et on a vraiment l'impression qu'il y a un mec qui a sa main à l'intérieur de Renault et qui lui fait bouger la bouche comme ça. Parce que non, mais moi je te rejoins quand même sur ce clip parce que alors le clip en lui-même, voilà. Bon, mais par contre les commentaires. Les commentaires de cette vidéo sont quand même incroyables. Assez goldé. Ça redonne foi en l'humanité quand même. Les gens ont de l'humour, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais. C'est ça qui est bien. Enfin, il y en a un dont je me souviens qui m'avait fait beaucoup rire. C'est il faut savoir séparer l'artiste de l'artiste. Ouais, non, il y a un festival de commentaires assez rigolo. Ouais. Mais voilà, et il y a un deuxième jeu que j'attends beaucoup aussi, qui lui, on n'a pas de nouvelles, donc on ne sait même pas s'il va sortir un jour, c'est Overwatch 2. Overwatch 2, qui est la suite d'un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup joué, et qui va, en fait, au lieu d'être du PVP 6 contre 6, va être du PVE, donc ça va être en équipe de 4 contre l'ordinateur, et je pense que ça peut être un jeu coop vraiment sympa à faire. Wink, wink, les Twitchers. Les Twitchos. Oh, ce nom. Ouais, merde. Ouais, moi je suis un Jones. Toi, t'es de la vieille France, non, même, je dirais plutôt. C'est ça. Et là, 2021, j'ai découvert un petit podcast vraiment sympa que là, je vous recommande vraiment à 100%. C'est très drôle. Ça s'appelle La moto de qui déjà ? Alors, c'est un nom un petit peu barbare, mais en fait, c'est un groupe de lecture, donc avec trois personnes, qui lisent Ready Player 2, la suite du livre Ready Player 1. Et en fait, ce livre, apparemment, le 1, c'est un torchon infâme. Et d'un mec qui est là en mode genre, eh, regardez toute la culture que j'ai, je suis bien meilleur que vous, je connais plus de choses, regardez, regardez. Et là, en fait, ils font un résumé de lecture, en fait, à chaque fois, chaque épisode, ils se font 4-5 chapitres. Et c'est écrit avec le cul, apparemment, au point qu'en 4-5 chapitres, en 50 pages, ils ont le temps de parler pendant une heure et demie pour dire tous les trucs qui vont pas, quoi. Et c'est très très drôle à écouter. Et c'est vraiment très très sympa. Voilà, je vous recommande vraiment très chaudement le podcast La moto de qui déjà. Voilà. On est en train de se faire agresser les oreilles par un chat dissident. Il le porte comme un bébé, il le berce, tu sais, comme un bébé. Tu lui fais faire le rôle là ou quoi? Et du coup, plutôt team chat ou team chien quand même, parce que... Ouais, pour, histoire c'est, de c'est... finir sur un truc clivant. Non, parce que là, ça commence quand même à me faire peur un peu, tout le monde qui idolâtre le chat. Non, moi je suis team chien. C'est bien, Corentin. Donc tu peux jeter ce démon par la fenêtre. Non, mais c'est un chien. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. D'ailleurs, alors attention, je pars sur des histoires perso, mais par rapport à la dernière émission où Chloé, tu as parlé du chien trop mignon que vous avez eu avec tes parents. Voilà. Et comment il s'appelle d'ailleurs Alors, bah, du coup, c'est une histoire assez drôle parce qu'il s'appelle Paco, sauf qu'on a découvert hier qu'en fait, il y avait eu un souci dans les puces électroniques. Donc, on pensait qu'on avait adopté Paco, 8 ans, Border Collie. Mais en fait, c'était Echo, 11 ans, Chihuahua. Voilà, on est sur un level de différence assez conséquent. Mais il s'appelle Paco, voilà. D'accord. Désolée, c'était la petite anecdote. D'accord. Du coup, c'est bien un border collie. Oui, ça reste. Enfin, je crois. Après, tu sais, s'il faut, c'est peut-être un. Ouais, chihuahua très grand, mais. C'est un gros chihuahua qui ressemble à un border collie. Ouais, c'est ça. Mais alors, du coup, par rapport à cette histoire où vous parliez de chiens et tout, en fait, il y a. Alors attention, mon père en ce moment, il est pas en forme parce qu'il a plein de trucs à gérer. Il est un peu. Il est bon, on peut le dire. Il est un petit peu en burn-out. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ce qu'il lui faut, c'est un chien, parce que mes parents, en fait, ils ont eu des chiens jusqu'à ce que je naisse, parce que après, super quoi, t'as remplacé les chiens, voilà. En fait. Voilà, c'est ça. Et quelque part, bon, j'étais ce qu'ils avaient de mieux. Non. Mais en fait, et puis ils partaient beaucoup, et puis ils pouvaient pas avoir un chien. Mais maintenant qu'il est à la retraite et tout. Je me suis dit ce serait vraiment une bonne idée parce que bah, mon père il aime bien les chiens mais à chaque fois qu'on a eu des animaux de compagnie il était en mode genre ça me saoule tout ça, enfin bref, donc j'étais en train de me dire bon j'ai un peu en parlé à ma mère tout ça, bref, et je m'attendais à un refus catégorique en mode c'est la pire idée Victor, meurs quoi, t'es plus mal. Et au final normal. Du coup on va retrouver un chien pour remplacer le fils. Bah c'est ça. C'est ça, c'était toute mon idée de base. C'était. Mais. Et donc tu nous voulais nous demander quel chien te ressemblait le plus. Exactement. clairement un pitbull. Hein. Vraiment, c'est moi. Hein. C'est tout moi. Mais en fait, j'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit c'est grave une bonne idée. Et du coup là, on s'apprête à travailler mon père au corps histoire qu'il ait l'impression que l'idée vient de lui. Malin. C'est la stratégie, parce que sinon il va râler en disant ouais, vous prenez une bestiole et puis c'est à moi de m'en occuper. Non, on veut que ce soit voilà, on est. Un truc qui a très bien marché, et c'est comme ça qu'on a eu Paco, c'est que ma sœur aimait les animaux, et avec ma mère, qui voulait absolument pas de chien, hein, tout comme elle ne voulait pas de lapin, on en a eu un, elle ne voulait pas de chat, on en a trois, On s'était dit qu'on allait promener des chiens dans un refuge, tu sais. Tu sais, là où ils sont bien malheureux, bien tristes, oh où tu leur fais plein de papouilles et tout. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bon, mais la quatrième fois, tu te doutes bien que tu pars avec un chien dans la malle, quoi. Donc, je pense que ça peut être une belle technique pour amadouer ton papa. Ouais, faut y penser, ça. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Parce qu'en plus, ça l'engage à rien. Exactement, jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils ressentent le besoin. Aïe aïe aïe. Là on est sur une stratégie. Là on est sur une stratégie à la Laura quand elle nous parlait de séduction. Je sais pas Fanny si, parce que Fanny tu connais Laura, mais si t'as l'occasion d'écouter l'épisode sur la séduction quand elle parle de ses techniques de drague. C'est... J'en ai écouté une partie, mais ça me dit rien, ça. J'ai peut-être pas tout écouté. Mais c'est en fait, elle raconte comment elle a tenté d'arranger les choses avec son copain et où elle avait préparé tout un plan en mode genre oui il va passer donc là on va discuter et ça sera trop tard pour que je prenne le bus, du coup il devra me ramener, voilà, enfin tout un plan comme ça où ça se finit à boire un verre, puis oh et ben on va manger ensemble, oh et puis il est un peu tard, est-ce que tu peux me ramener, voilà, enfin c'était tout un truc très très pensé, mais déjà plusieurs jours auparavant, tu vois, avant qu'il se passe quelque chose. D'accord. Et du coup, là, ça me fait un peu penser à Laura. Tu peux faire la même chose maintenant avec le couvre-feu. Hein. Enfin, oh zut, il est 18h. Bon, ben, pas le choix. Avant, ça marchait mieux, peut-être parce que c'était 20h. Mais là, 18h, c'est vrai que c'est un peu tôt. Mais... c'est ça. Mais ouais, enfin, en tout cas, Laura, si tu nous écoutes, bisous. Et reviens vite. Tu nous manques. Enfin, voilà. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on. On là. Peut conclure ici, je pense. On peut conclure. Alors, en tout cas, merci d'avoir participé à cet épisode. On espère tous vous retrouver sur un prochain épisode sur un sujet où on vous prendra pas en traître. mais non, c'est en tout cas merci d'avoir participé, c'est chouette. Et puis voilà. Est-ce que la reco. Oui. C'est vrai, si vous avez des recommandations à faire de quelque chose que vous avez découvert ou que vous êtes en train de découvrir. Moi, c'est vrai que j'ai fait la mienne avec le podcast, mais peut-être... C'est un peu de la triche, ça, quand même. C'est de la triche. Oui, Chloé. Moi, j'ai une reco. Alors, c'est un mec qui a commencé sur Twitch. Non, mais vraiment, qui a commencé sur Twitch, qui a joué hier à... T'as déjà oublié. Super. Non, mais en plus, c'était Marocco le jeu, donc là, Chloé est en train de complètement détruire mais non, arrête. Tout mon plan. Non, je te recommande toi, je recommande la personne. Je recommande pas le jeu, je recommande la personne. Ah, ça va. Donc, c'est Cerylion, alors Cerylion. Je répète. On mettra les liens. Donc voilà, qui a lancé sa chaîne Twitch... il y a peu de temps, et c'est vraiment un très bon moment qu'on avait passé pour son premier stream, donc. C'est vrai. Bah, du coup, moi, je vais reco le jeu, comme ça, j'enchaîne. Firewatch, qui a été recommandé, du coup, par Victor avant, et jeu très sympa, du coup, que je n'ai pas terminé, mais un jeu très sympa, très contemplatif, où on se balade, on écoute le vent, on écoute l'eau. C'est un peu ASMR sur les bords, d'ailleurs. Il y a des bruits de cascade, beaucoup de bruits de vent, beaucoup de jeux de lumière, il ne se passe pas grand-chose, mais... Mais tu payes pour l'ASMR virtuel, quoi. Ça, ouais, dit comme ça, c'est un peu déprimant. Mais... Fanny, est-ce que tu as quelque chose à recommander? Sinon, même ton émission de radio, l'émission à laquelle tu participes. Ah bah oui, oui, on peut faire ça. Oui, très bonne idée. Donc, une superbe émission de radio sur Radio Résonance Bourges. Donc, la radio locale de Bourges, une émission qui s'appelle Sandwich, comme les sorcières de George Sand. Et voilà, qui est une émission qui a été lancée au mois de septembre par un petit noyau dur de Nana et avec l'envie de parler de sujets autour des questions de féminité, de masculinité, de genre, etc. Et puis aujourd'hui, on dévie pas mal sur plein d'autres sujets. Voilà. Dans la dernière émission, on a parlé de techniques de contraception masculine, enfin, voilà, de plein de choses variées. Ok, et donc sur la radio Résonance 96.9 dans... Ouais, 96.9, c'est le lundi soir, maintenant tous les 15 jours. Ok, donc... À 20h30. Et ça peut se retrouver sur Internet, j'imagine, les podcasts ? Ouais, on a les podcasts qui sont... On a une page Facebook qui s'appelle Sandwich, et on publie les podcasts là-dessus. Ok, super, bah, je mettrai le lien dans tous les cas dans la description de l'épisode. Corentin ? Oui, j'avais mis en muet pour éviter le catsplaining. Niveau reco, en fait, j'ai pas découvert grand chose. Je t'ai déjà parlé de Fast Motion. ouais, non, sinon, par contre, je réécoute dernièrement les vidéos du Stagirit qui fait maintenant sur le Média TV l'émission On sort les dossiers. Alors, c'est pas hyper fréquent, c'est pas le rythme d'Usul avec son ouvrir les guillemets tous les lundis. Mais niveau contenu, c'est peut-être un petit peu plus pointu en termes d'analyse de discours, ce genre de choses, parce que c'est ce qu'il fait, c'est qu'il analyse les discours politiques notamment, ou les situations politiques et les réactions d'un bord et de l'autre. Et ça reste une des émissions politiques, bah, forcément vues par la gauche, parmi les plus intéressantes sur YouTube français, je trouve. Ok, et du coup, ça s'appelle comment ? Donc c'est alors l'émission qu'il fait en ce moment sur le Média, c'est le On sort les dossiers. Ok. Et sinon, le gars en question, alors je ne connais pas son vrai nom, je crois que c'est Romain, quelque chose. Il s'appelle le Stagirit, qui est en fait un des pseudonymes d'Aristote, quand il était sur Twitter, comme Aristote. D'accord. Ah oui, le... Non, mais après, moi, je pense qu'il faut se désolidariser de Aristote, il tweet que de la merde. voilà. Ouais, mais le Stagirit, ça va. Ok, ok. En tout cas, merci pour toutes ces recommandations. Donc, on espère vous revoir très vite. J'espère que vous avez passé un bon moment. Tu fais pas de reco, toi ? Si, j'ai fait la reco, la moto de qui déjà ? Ah oui, c'est vrai. Autant. L236. Oui, L236, mais je vais peut-être, encore une fois. Je vais peut-être pas le recommander à chaque fois. Mais, voilà. Donc, ouais, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez passé, vous aussi... Vous qui nous écoutez, vous deux au fond qui nous écoutez, un bon moment. Et puis du coup, on se dit à la prochaine fois où on va faire en fait une partie 3 pour ces épisodes un peu hors série. Et du coup, on se retrouve très vite sur un nouvel épisode avant de repartir sur le format régulier. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne écoute et puis à la prochaine fois. Salut! Bonne nuit. Salut. Salut. Bye bye.